Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Alexandrine Pichissière nous offrira ses petites perles dans les précieuses ridicules, les précieuses découvertes. Allô! Et Jean-Philippe Charbonneau nous dévoilera les badas de la soirée cachée sous foule ce soir. Assemblage Reiki commence tout de suite, si je peux y arriver. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce jeudi 5 novembre 2015, 173 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va très bien ce matin, toi? Oui, ça va bien aussi. Oui? Oui, même si je me suis enfargé, on s'en rappelle même plus déjà. Mais ouais, c'est ça, exactement. Il fait beau aujourd'hui, alors on oublie tout le reste. Exact, mais pour moi, le mot précieux doit être accompagné nécessairement de ridicule. Mais oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, mais non, toi, c'est les précieuses découvertes. Exactement. C'est une série dérivée. Oui, c'est ça, un produit dérivé. Donc, on va faire ta chronique à des précieuses découvertes dans quelques instants. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on a ta chronique à toi, Tania, et tu nous ramènes en piste avec Tania Baudin. Oh oui! Je tiens à dire que je te trouve particulièrement sexy sur la photo que tu as publiée sur Facebook. Merci beaucoup! Ah, mais maintenant, son compte personnel, elle n'accepte plus personne. Fait que messieurs, mesdames, s'il vous plaît, retenez-vous. Ouais, allez sur la page publique, s'il vous plaît. Likez la page publique de Tania Baudin. .tv, truc. You're so famous, girl! Mais hey. Non, mais... Oui, elle reçoit plusieurs demandes d'amitié par jour. Tout ouais. Ça grâce à l'assemblage requis, clin d'œil. Exactement, clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec d'autres affaires qu'elle fait ailleurs. Seulement ici. On en reparlera hors d'onde, Tania. C'est ça. Elle fait tellement de choses. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans Piste? Je vais vous parler encore une fois de la place des femmes en Formule 1. Mmh. Et puis peut-être juste un peu faire un survol sur un autre sport, en faire la comparaison. Ah, ok, ouais. Ok. C'est cool ça, donc ça va être dans le coin de 8 heures environ. On a aussi une grosse pointe en dresse où on va goûter à quelque chose. Ça va être, on a fait du salé pas mal depuis les dernières semaines, on dirait. C'est vrai, hein? On faisait du sucré salé, mettons. Ouais, sucré salé, on retourne au sucré. Ok. Ouais, ça va être bon. J'ai bien hâte d'essayer ça tantôt. J'ai voulu amener un thé. Je voulais te faire goûter un thé que moi-même, j'ai pas encore goûté. Ouais. Puis je me suis dit, ah non, mauvaise idée avec les consoles. Ah, t'as raison. Alors, c'est pourquoi ce matin, on va déguster seulement mais quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec les couvercles de la chasse-galerie. Là. Sûrement. Je te donne la permission, j'irai goûter de l'autre bord là-dedans. Alors, jeudi prochain, on fait ça. D'accord. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, à 9h, on a Jean-Philippe Charbonneau qui va venir nous parler des soirées cachées. Il y en a une première ce soir pour cette année. Donc, on va lui demander premièrement comment il va en avoir cette année si on commence en novembre. Hein? Donc, à 9h tantôt, soirée cachée, c'est fou. Et à la toute fin de l'émission, on parlera avec Samuel Girard de Génie en Liberté. C'est un gros plan quand même aujourd'hui. Pas mal de monde, pas mal de choses à faire. Alors commençons à l'instant en ouvrant le magazine de la vie. Oui. Avec Alexandrine Pichessire, voici les précieuses découvertes. Bonjour Alexandrine! Bonjour Mathieu, ça va bien? Ah, toujours. C'est tellement amusant de feuilleter ce magazine avec en page couverture, toi. C'est comme, t'es comme Oprah. J'aime ça! Mais moi, je me vois plus comme Martha Stewart. Ah, d'accord, fonctionne. Mais moins le petit bracelet à la cheville parce que t'as commis des fraudes financières avec ta compagnie. Mon Dieu, Martha a fait ça? Ben non, oui, je savais pas, t'en rappelles pas? Ok, je vais y aller pour Oprah d'abord. C'est ça, vas-y pour Oprah, elle est encore fine. Elle. Alors, comment ça va vous? Ça va très bien. Ça va bien, oui. Malgré oui. que c'est le mois de novembre. Ouais. Mais il commence bien avec le soleil le matin. Nous, on est contents. Si on a du soleil le matin, ça nous met du soleil dans notre émission. J'avoue que commencer l'émission avec une petite pénombre, ça doit pas être vraiment agréable. C'est... Non, sérieusement, ça, on dirait qu'on est le soir. C'est, c'est vraiment... Vous faites de la radio, genre, tu sais, comme à Salut Bonjour quand il est 5h30. Ouais, exactement. Ouais. Là, ouais. Vous vous sentir comme ça. Mais bref, aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un petit peu de soleil dans votre mois de novembre. Non, t'es fait. Alors, en bref, je vais parler d'un lancement de CD auquel j'ai assisté en fin de semaine. Je vais vous conseiller deux sorties culturelles à faire en Mauricie pour les prochaines semaines. Et j'ai aussi vous parler de 4 règles pour avoir une vie équilibrée et de bonne humeur. Donc, c'est cute, les sections, hein? C'est beau, hein? Ouais. Alors, on commence section musicale. Musique! Je suis quand même assez fière de moi parce que je pense que depuis le début des Précieuses Découvertes, j'essaie de vous faire découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes ou des groupes qui sont majoritairement québécois. Alors aujourd'hui, je vous présente un artiste trifluvien qui a lancé son deuxième album samedi à l'Embuscade. C'est M. Daniel Morissette, ben oui. Qui est, quand même assez connu, assez fou, étant donné qu'on on le passait quelques fois, puis il fait des jingles. Oui, il a fait le jingle de la chronique de Marie-Christine Perra, Gratin et vin gratuit. On a même fait jouer une chanson de sa part la semaine passée. Et si tu veux, on pourra en écouter tantôt parce que j'ai encore l'extrait. Ah, et c'est parfait. Si tu peux le chercher pendant que j'en parle, on va pouvoir le mettre. Oh mon Dieu, qu'on aime ça. Bref, Daniel Morissette, qui est un artiste vraiment bien de chez nous, très connu dans la culture trifluvienne, sortait son deuxième album samedi, comme je le disais justement, qui s'intitule L'Argent Prime. Oh! Daniel, c'est vraiment un artiste qui fait des chansons à texte. Mais je trouve vraiment que son deuxième album, la musique, prend vraiment une place plus importante. En fait, au lieu de s'accompagner seulement lui-même de sa guitare, il ajoute beaucoup plus d'instruments. Puis j'étais tellement fière de lui, parce que moi et Daniel, on se connaît quand même assez bien. Une de ses chansons, il y avait même des harmonies vocales, plusieurs voix. Et je trippais, c'était vraiment bon. Puis c'est vraiment tous des chansons qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à se questionner sur la société, sur nous-mêmes. Alors, on a un extrait, Mathieu. Oui, on va écouter la pièce Le Soldat qui... Ah ben, c'est ma préférée, ben, justement. Voilà. Puis vous pouvez entendre dans le refrain les harmonies vocales que je parlais. Puis en fait, c'est une chanson rythmée, c'est une chanson qui a du texte, c'est une chanson qu'on pourrait dire engagée. Alors, je vous laisse en écouter un petit extrait. Comme je maudissais l'école, loin d'être les sacs symboles que reflétaient mes idoles dans les films hollywoodiens. Comme je détestais bien sûr les arts, la littérature, tant qu'à y être la peinture. Un jour je me suis dit tiens, comme j'en rêvais tout petit et j'en perdais l'appétit à guider sur le tapis mes petits soldats de plomb. Je me suis rasé le crâne, j'ai enfilé ma bécane, je suis allé vendre mon âme pour m'enrôler comme un pion. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai des salaires faits pour ça. Quand on n'est pas étudiant, qu'on ne fait pas 65 ans, l'appui du gouvernement est plutôt mince au pays. Les programmes pour chômeurs, ce n'est pas pour les penseurs, ceux-là qui mettaient des fleurs dans le canon des fusils. Je dirais à ces poètes, ces auteurs, ces interprètes qui chantent pour la planète, l'appel l'amour. Bas, imbécile, allez chanter pour la reine, pour l'armée. Voyez comme je suis payé, bien plus que vous par l'État. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Si on m'ordonnait aussi d'exécuter l'ennemi à l'aide de mon fusil, aller chercher l'assassin, moi j'exécute plus haut le mandat des généraux, bien assis dans leur bureau, chacun s'en lave les mains. Si une troupe nous assiège, que l'on tombe dans un piège, il faut bien qu'on se protège. À la guerre tout est permis, qu'une balle frôle ton cil, tu peux mitrailler la ville. On t'honorera en fil d'avoir servi ton pays. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai des salaires faits pour ça. amputé, donc me voilà relevé de mon mandat. Je leur ai légué mon bras, à l'instar des vétérans. Perdre un bras, oui, c'est beaucoup, mais quand j'y repense après coup, c'est perdre aussi le tatou que j'arborais noblement. Donc, de retour au bercail, où des jeunes sous la paille, des crocheurs sans travail, morts à nos publicités, puisqu'il n'y a aucun ministère qui les aide, on leur suggère d'aller mourir à la guerre au nom de la liberté. Depuis que je suis soldat, je bénis le Canada. Et si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Depuis que je suis soldat, si je suis robotisé, un peu lobotomisé, j'ai les salaires faits pour ça. Alors, c'était Danielle Morissette avec Le Soldat, Assemblage requis. Vous êtes aux précieuses découvertes avec Alexandrine Fichessir. Yeah, tu te présentes bien. Oh, mais merci. Oui. Elle fait son auto-promo. C'est ça. C'est parfait. En fait, c'est ça, c'était le lancement samedi, le 31, journée de l'Halloween. Et Danielle nous a vraiment donné une performance, seulement cinq petites chansons, dont celle-ci qu'on vient d'écouter. Il nous a vraiment offert une performance généreuse, puis après, il est venu nous parler. Puis c'était vraiment... C'est un artiste qui est très proche de son public, je crois. Et si vous êtes intéressé par l'album, il va être en vente chez Archambault très prochainement. Hey. Oh. Alors, on va aller à une autre section, la section Art de vivre. Art de vivre. J'aime ça quand tu répètes après moi. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, Tania, oui? Mathieu, oui? Étant donné que... c'est drôle parce que j'ai regardé la mauvaise personne, mais bon. Caméra 3, on l'a pas eu. étant donné qu'on est au mois de novembre et que c'est le mois de dépression. Hey, oui, mon Dieu. Je vais vous parler des 4 accords Toltec. C'est quelque chose de quand même assez gros. Moi, je vous fais un vraiment petit bref résumé. Qui sont les Toltec? Je vous lis un texte tiré de psychologie.com. Guerriers du nord de l'Amérique latine, les Toltecs... Pourquoi quand je lis, je prends un français normatif? Oui, je ne sais pas. Ça. Je ne sais pas. Guerriers du nord de l'Amérique latine, les Toltecs ont vécu dans l'actuel Mexique entre les années 1000 et 1300. Alors, on peut dire que c'est un peu comme des Mayas. D'après les légendes et les vestiges retrouvés, ce peuple a développé le raffinement dans les arts de l'architecture, ainsi qu'une sagesse dont le fameux accord serait... la clé essentielle, dont les fameux accords seraient la clé essentielle. Revendiquant fièrement cet héritage, les Aztèques auraient transmis le savoir et la psychologie des Toltecs. Alors, ces 4 accords, 4 choses que tu devrais mettre sur ton frigo et te rappeler quotidiennement pour avoir une vie plus saine, plus zen et plus équilibrée. Ouais. Alors, on va lire les 4 accords et on va les commenter ensemble. Alors, le premier, que ta parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire autrui. Ah, ben oui. On aimerait tous pouvoir faire ça. Jamais parler dans d'autres personnes, mais... C'est vrai que des fois, c'est un petit peu libérateur, mais ça, je pense que c'est très, très occidental comme pensée. Oui, je crois que oui. Alors, essayez le moins possible. Essayez d'utiliser votre parole pour qu'elle soit positive, je crois. Ensuite, deuxième accord... N'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de la souffrance inutile. Se faire une carapace. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, c'est vrai que des fois, il arrive des trucs dans notre vie puis on en fait une grosse montagne. Et je suis la première à le dire, car personne n'est plus drama queen que moi dans la vie. Mais c'est important justement de se faire une carapace puis d'en prendre et d'en laisser, je pense. Et je pense aussi d'apprendre à rire de soi. Oui, alors ça souvent. Oui. Tu veux pas une risée, tu veux pas... comment on dit? L'expression. Hein? Oui, si tu veux pas une risée, tu veux pas une... C'est ça. Alors, le troisième accord! Ne faites aucune supposition. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. On n'est pas des bonnes personnes, on dirait. J'ai l'impression de ne pas être une bonne personne. Mais c'est pour ça que c'est important de mettre les accords sur ton frigo et de te rappeler souvent. Mais c'est pas qu'on n'est pas des bonnes personnes. Mais c'est qu'on présume des choses des autres des fois, alors qu'on ne sait pas vraiment si c'est le cas. Exactement. Puis je suis sûre que la majorité du temps, on se trompe vraiment beaucoup. Oui, c'est bitch. Ouais. Mais ça me fait beaucoup penser, en fait, au bouddhisme. Oui. Ça se peut. Ouais. Il y a plusieurs choses comme ça qui reviennent dans le bouddhisme. Ah ben. Mais je pense qu'à force de regarder les psychologies des autres peuples, on se rend compte à quel point on est une civilisation stressée. Oui, c'est vrai. Et on est tellement axé sur la performance. Et je dis ça en pleine mi-session. Oui. On est tellement axé sur la performance, la perfection. Mais Lâchez prise, les amis. Alors, Let it go! Oh mon Dieu, c'est parfait. Et le dernier, non le moindre, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. Ah, c'est beau. Ça, c'est tellement vrai, puis surtout quand on est des artistes ou des gens de la radio. Tu sais, on fait tellement souvent des petites erreurs, mais il faut pas se cogner la tête avec ça, puis se maltraiter en disant oh, « mon Dieu, j'ai fait une erreur ». Puis là, tu y penses toute la journée. Non! Écoute, l'erreur est humaine. Puis l'important, c'est de toujours faire de son mieux. Parce que si tu dis « OK, je me suis plantée, mais j'ai fait de mon mieux », au moins, t'as fait de ton mieux. Bon, ben d'abord, ça veut dire que je suis vraiment un humain. Bon, oui. Tu vois. Voilà, on n'est pas si exécrable que ça. Alors, c'était les quatre accords Toltec sur une période de zénitude en plein mi-session. Imprimez-vous ça, mettez-vous ça un peu partout. Des fois, des pense-bêtes, c'est bon à avoir. Moi, je me fais ça. Ben, c'est niaiseux, là, c'est très physique, là, mais c'est en théâtre pour me débloquer les genoux. Je mets des petits post-it un peu partout, débloque tes genoux. Fait que là, j'y pense vraiment souvent. Okay. Alors, je vous invite à le faire avec les quatre accords Toltec que je viens de nommer. Les accords Toltec, ça ressemble à aux exercices tantriques. Là. C'est-tu l'affaire qu'il faut que tu... L'amour tantrique, ça, c'est faire l'amour avec un autre partenaire sans se toucher. C'est ça? Je sais pas, je pense que oui. OK. Ça ressemble à ça. Mais c'est pas ça, à ne pas confondre. J'ai trouvé les quatre nobles vérités du bouddhisme, si tu veux qu'on compare. Oui, vas-y. Oui. OK, donc la première, c'est la vérité de la souffrance, qu'il faut accepter que toute vie implique de la souffrance et de l'insatisfaction. Oui, ça, c'est vrai. Déjà en partant. La vérité de l'origine de la souffrance, donc pourquoi le désir puis les attachements font partie de nous. Mm-hmm. La vérité de la cessation de la souffrance, donc finir de souffrir est possible. Oui, donc finalement... Hein? Let it go! Let it go! Let it go. Et la quatrième, c'est la vérité du chemin. Le chemin menant à la fin de la souffrance est la voie médiane. Donc, le chemin va toujours t'amener à la bonne place, selon le bouddhisme. Ça, ça a une certaine... Oui, certaines ressemblances. Ben, je pense que dans ces temps, j'imagine que c'est pas mal dans les mêmes temps. Et les gens devaient-tu être zen? Oui. Hey, sérieux, là? Et leur frigidaire devait être vraiment... Il mangeait du riz. Puis il n'y avait pas de 3G, ni d'iPhone, ni d'Internet, ni de communication. C'est ça. Oui. Tu vas en Inde, ils n'en ont pas plus là, dans les centres de méditation. Mm-hmm. C'est sûr que... Ben non, c'est ça. Allons méditer tous en cœur, tout le monde. Wow. Vivons du thé vert et soyons heureux. Ben voilà. Tania n'a pas amené à hésiter à nommer du thé. Je suis désolée. Si tu savais, au précieux ridicule, à quel point on a bu du thé souvent... Mais tout le temps, l'autre bord de la console pour pas faire des gars. Mais non, mais oui. C'est ça, mais c'est parce que je voulais pas le passer dans le cœur d'or magique puis que ça tombe. Parce qu'il y a moins de magique, mais il y a des trous dans le plancher. C'est, ouais, c'est ça, exactement. Des fois, il y a des fuites. Ah, écoutez la série, vous allez comprendre. Alors, c'est le moment de changer de section pour un petit flash activité culturelle trifluvienne. Flash activité culturelle trifluvienne. Wow. Alors, je vous propose aujourd'hui deux activités à faire dans les prochaines semaines si vous voulez un petit peu vous repimper dans la culture trifluvienne, essayer de remonter votre cote de popularité auprès du gratin culturel. Tania, t'en avais déjà parlé. Un petit peu, oui, vraiment brièvement. Maintenant. Le parcours de peur à la vieille prison. Ooh. Et non, les amis, ce n'était pas terminé à l'Halloween, ça se continue. En fait, je vais vous lire un petit peu la description du projet tiré de tourismemauricie.com. D'années. Il y a 5 ans, le premier parcours de peur avait réveillé les fantômes de la vieille prison de Trois-Rivières. Cette année, les damnés de la prison ont décidé de chasser les vivants. Erol et le Musée québécois de culture populaire vous convidons à défier vos plus grandes peurs durant un parcours de 60 minutes. Le parcours de peur attire chaque année presque plus de 2500 participants. À chaque soir de représentation, des départs se font aux 15 minutes avec un maximum de 10 personnes par groupe. Ceux-ci vont à la rencontre de personnages mystérieux et inquiétants à travers un parcours plein de rebondissements dans la vieille prison. L'âge minimum requis est de 16 ans. Mieux vaut réserver d'avance car les places s'envolent rapidement. J'ai tellement une voix de pub, ça n'a pas de sens. Tellement. Mais je t'ai mis de l'ambiance, faut le dire. Oui, en plus, c'est parfait. Alors, ça vous tente de participer à un parcours de peur, encourager les artistes de la région. Ben oui. Parce qu'il y a tellement peu de projets, étant comédienne, je peux un peu en parler, il y a tellement peu de projets qui nous rémunèrent. Non, c'est pas le bon mot. Qui vous paye, c'est ça. Qui vous paye, c'est ça. Mais ça en est un. Je touche du bois, je ne suis pas. En tout cas, j'imagine. Alors, c'est pas du vrai bois, c'est de la mélamine, je pense. Oh, mélamine. Alors bref, allez encourager ça. Ça me semble vraiment super intéressant. Il reste des dates réservées d'avance. Ça vous tente de vous faire peur, de voir un peu le talent d'ici. Alors, c'est un rendez-vous à la vieille prison de Trois-Rivières. Dans une autre changement d'idée, tu peux remettre mon Yann. Ouais, c'est ça. Là. Parfait. Voilà. Alors, on va dans quelque chose de plus romantique, les amis. Alors, le Théâtre des Nouveaux Compagnons font leur première production du mois de novembre la semaine prochaine. Alors, il s'agit de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Wow! Juste le titre, ça a déjà de la classe. Ça a déjà de la classe. En fait, c'est une œuvre romantique française. C'est un classique de la littérature, en fait, de la dramaturgie. La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. C'est mis en scène par Yves Deguire, assisté de Valérie Gagné. Et ça va se présenter, je vous dis ça, le 12, 13, 14, 19 et 20 novembre à la Salle Annexe Alain Rousseau à 20h, ainsi que le 21 novembre à 13h. Toujours au moins un après-midi. Je me suis trompée, c'est le 15 novembre à 14h. OK. Et c'est le 12, 13, 14, 12... Oh mon Dieu! Il n'y a pas de place où aller chercher ça. Oui! Allez sur le site des Nouveaux Compagnons, ils vont vous dire ça. En bref, l'histoire, c'est un petit peu comme Moulin Rouge. C'est une courtisane qui s'appelle Marguerite, qui rencontre Armand, un petit avocat un petit peu gêné, qui vient la voir et qui tombe éperdument amoureux d'elle. Un petit peu comme Moulin Rouge. Ouais. Puis là, il est amoureux avec une putain, on va se le dire. Puis là, ben, leur amour est impossible parce qu'elle est malade. C'est vraiment très, très dramatique. Ah. Mais c'est romantique. Alors, pour les petites fleurs bleues comme moi et comme toi, Tania, j'imagine, oui. C'est vraiment parfait. Ça se passe dans le Paris des années 1850. Puis au niveau de la scénographie, on a vraiment gardé les beaux costumes d'époque, avec les coiffures d'époque. Et c'est vraiment très intéressant. Je vais vous nommer les comédiens qui font partie de cette belle production. Alors, Julie Balleux, qui interprète merveilleusement bien le rôle de Marguerite Gauthier. Elsa Bonneau, François Bruno, Samuel Fortin, Gabriel Godbout, Adamo Yonata. Je m'excuse, j'ai modifié ton nom. Eve Lisée, Alexandrine Pichy-Cyr, Jean-François Pinard et Jonathan Thériault-Leboeuf. Alors, voilà la distribution de cette belle... Tu joues quel rôle? Moi, je joue un petit bébé rôle, le rôle d'Olympe. En fait, ce que je fais, c'est que Marguerite et Armand se boudent. Mm-hmm. Et moi, j'arrive, puis je suis très, très extravagante. Puis je décide comme de rendre Marguerite jalouse en allant à l'opéra avec Armand. Ah! Je suis vraiment pas fine. C'est pas grave, on aime ça. C'est ça, c'est un rôle de composition, faut dire. En fait, c'est les meilleurs rôles à jouer, les rôles de méchants. Oui. C'est vrai. Alors voilà, ça vous intéresse, ça va être vraiment une très belle soirée à la Maison de la Culture de Trois-Rivières dès jeudi prochain. Ah, le 12. C'est les 12, 14, 19, 32, 74, 16. Il est 7h40, laisse-moi une chance, Mathieu Plante. Alors voilà, c'était les précieuses découvertes de ces deux semaines. J'espère vous revoir bientôt. Ben oui. Et je vous souhaite paix, bonheur et harmonie sur vos vies. Pas de prospérité, par contre. Non, c'est pas grave, la prospérité. On est pas fait pour être riche, c'est ça, on est des artistes. Exactement, puis l'argent, c'est pas ce qui mène le monde. C'est ça. Sauf quand on est précieux comme moi. Ah oui. Ah, que c'est beau, que c'est beau. On aime ça. Oh, j'aime ça quand tu ris de même. Encore. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Alexandrine. On te retrouve dans deux semaines. Malheureusement, c'est tout le temps loin, deux semaines. C'est trop peu. Deux longues semaines. À 7h30, les jeudis en début d'émission. Oui, ça commence bien, hein. Oui, merci, Alex. Personne t'appelle Alex, hein? Non, c'est pas assez. Alexandrine, ça va mieux que ma personnalité, je pense. Oui, c'est vrai. T'es pas une Alexandra du tout, t'es une Alexandrine, ça paraît dans ta face. Puis Alex, je trouve que ça fait trop comme Alex. C'est trop yo-yo-yo, ouais. Mais, comme j'ai dit, Drine? Non. Sandrine? Non. Alexandrine. Oui. Voilà. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ah, mais vous allez me voir au Cheese Quiz? Ah, c'est vrai, oui. Oh, oui. Faut pas dire ce que c'est. Oh! Mais le 10 novembre, il y a peut-être quelque chose. Qui va se passer? Peut-être! Avec moi, peut-être! Peut-être, qui est majeur, qui est un événement qu'il va falloir partager, disséminer. Ouais. Partout. Distribuer, faire la publicité, répandre. La propagande, exactement. Dites-le à vos amis. Propagande! 10 novembre, à Assemblage Requis. Ça sent bien. Ça sent bien, là. C'est comme la semaine prochaine. Genre. Ah, j'ai hâte! Ah, que ça va être magnifique! Je suis donc ben énervée. J'ai envie d'entendre du Marie-Pierre Arthur. Oui! Ben oui! Oui! C'est le sel qu'on voulait faire jouer. Hier, est-ce que t'es en train de rappeler une de mes erreurs? Tu sais, j'ai dit tantôt que j'avais de la misère avec mes erreurs. Mais non, mais c'était mon erreur, en fait. Non. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt avec mes erreurs? On est tous humains. On est tous humains, exactement. Voilà. D'accord. Let it go! Voici Cacher l'hiver de Marie-Pierre sur Assemblage Requis. En vient t'es déjà passé derrière. Je me couche avec la peur de te voir m'y faire. M'inventer l'histoire. Marie-Pierre sur la pièce Cacher l'hiver. Au retour, c'est la chronique de Tania Baudin et Tania Sgonin et Tania. Ils vont parler de Fraud en piste avec Tania Baudin. Restez là! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi matin, 5 novembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. On a eu de la classe tantôt, on a parlé de choses vraiment théâtrales, musicales, etc., etc. Là, on change de domaine un peu, pas que ça n'a pas de classe. Oui, là, j'allais te dire, est-ce que t'es en train de dire que ça n'a pas de classe? Absolument pas, mais c'est un tout autre domaine qui a absolument aucun lien en commun avec ce qu'on a discuté. Non, ça, c'est sûr. Avant. Est-ce que, trouve-moi un lien en commun. Les femmes. Ben, tu vois, en voilà un. C'est Tania Sgonin et Tania. Arrête. Allô. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tu vois, et en plus, il y avait ça en commun. Moi qui chante. Ah, bien oui, voilà, c'est fait. Comme dans la chronique de théâtre et de musique tantôt. T'as bien raison. Donc, Tania, aujourd'hui, dans Tania is gonna entertain ya, tu nous présentes En piste avec Tania Baudin. We'll be right back. aujourd'hui, je fais comme un espèce de retour aux sources. Oui. Ça fait quelques temps là, que j'ai pas fait de chronique en piste avec Tania Baudin. C'est la troisième de la session, non? Je pense que c'est ma troisième de la session. Je l'avais dit que pendant l'hiver puis pendant l'automne, oui, l'automne, ouais. C'est beaucoup plus difficile de parler tout le temps de course automobile, quasiment presque à chaque semaine. Alors, on saute une coupe. C'est ça, okay. Voilà. On y va avec les sujets qui sortent dans l'actualité ou qui sortent de l'ordinaire. Mettons, exemple, j'avais présenté qu'est-ce qu'il fallait faire sur sa voiture avant le grand froid. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, je vais vous parler évidemment des places que les femmes ont en course automobile, plus précisément en Formule 1, à la suite de la sortie très médiatisée hier d'une pilote, Suzy Wolff, qui a décidé de quitter les fonctions qu'elle avait avec une équipe de la Formule 1. Et c'est surtout que ça l'a fait remonter le débat sur justement la place des femmes en Formule 1, comme à chaque fois qu'on parle d'une femme en Formule 1 ou qu'on parle d'une femme en course automobile. Mais bon, qui est Suzy Wolff exactement? Parce que Mathieu, je sais que t'es pas le gars qui va zapper, mettons, pour aller voir les courses de Formule 1 à RDS. Non, pas tellement. Alors, même si j'avais la télé, ce qui est pas le cas, les sources de sport, non. Mais je me suis dit que, évidemment, il y avait d'autres personnes comme toi qui nécessairement connaissent pas... très bien, ou du moins pas du tout, la course automobile. Il y a une minorité visible. C'est ça, très minorité. Ouais. Alors aujourd'hui, bien, je vais quand même essayer de décortiquer quelques questionnements peut-être que tu pourrais avoir ou que certaines personnes pourraient avoir. Genre, si tu la sors de Jean Leloup. Non, de Jean Partant. Okay. Ou de Marie-Lou Wolff. Là, on fait attention avec les jeux de mots stupides. C'est pas un jeu de mots stupide. J'essaie de t'éduquer. Tout le monde se le demandait. Je suis pas tout seul. Oui. Non. Elle est britannique, elle est écossaise. Okay. Alors non. Qui est Suzy Wolff exactement? Eh bien, elle est âgée de 32 ans. C'est une pilote de développement ou d'essai pour l'écurie Williams. Et oui, hier, elle a annoncé qu'elle quittait ses fonctions. En quoi consiste le rôle de pilote de développement ou d'essai exactement? Parce qu'on entend souvent ça quand quelqu'un fait une nouvelle entrée en Formule 1, à moins d'être vraiment pilote vedette. On va entendre, exemple, une autre pilote qui est Carmen Jordan, qui elle aussi est pilote d'essai, pilote de développement. Il y a aussi des hommes qui sont pilotes d'essai en Formule 1, ça c'est inévitable. Mais qu'est-ce que ça fait un pilote d'essai exactement? Ouais. Eh bien, ça va tester tout ce qui est frein, résistance de la voiture, l'accélération, pour en rendre vraiment compte aux ingénieurs pour qu'eux puissent par la suite prendre l'améliorer pour la prochaine épreuve. Certaines et certains pilotes d'essai ont la chance de prendre part aux essais le vendredi matin pour justement amener les ingénieurs à faire les meilleurs, je voudrais quasiment dire tuning parce que je vois pas, régler la voiture le mieux possible pour la course où là justement on connaît les pilotes comme exemple Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas. Ben oui. Ou peu importe, justement, qui, eux, vont aller à la guerre, si je peux le dire comme ça, le dimanche matin. Ouais. Mais un pilote d'essai, en temps normal, c'est censé gravir des échelons pour, justement, un jour arriver à avoir un volant sur une grille de Formule 1, ouais. Pour pouvoir dire aussi, j'ai justement fait ma place en étant pilote d'essai, en étant pilote de développement. Là, c'est à moi de piloter cette voiture. Là, devenir un vrai soldat. Exactement. Dans l'armée des courses de chars. Ben, d'essayer d'avoir un foutu podium, quoi. Voilà. Tu comprends? Parce que l'important, c'est d'avoir une petite médaille. Ben, pas qu'elle... Ben, on va y venir, sérieusement, parce que ça fait partie de ma chronique. Mais d'abord, je veux parler que beaucoup plus de Suzy Wolff en tant que telle, son choix à elle, versus plusieurs commentaires qui sont sortis sur les réseaux sociaux ou encore même... Ça a pas juste être négatif et même insultant pour pas mal la femme en général. Mettons, ce matin, j'en ai vu là, qui était assez genre... Je pourrais te mettre ma main dans la face, mon tabarouette, pour avoir dit ça. Mais bon, récemment, exactement en mai 2015, elle accordait une entrevue sur le travail qu'elle exerçait et elle disait elle-même « Les gens réalisent pas à quel point la F1, c'est physique. » Bien sûr, ils les voient... courser dans les Grands Prix à la télévision et les voitures qui tournent, ils pensent que l'on qu'on s'assoit, qu'on pilote et que c'est facile. En réalité, il faut amortir l'enchaînement très violent des accélérations et des freinages. Chaque jour, elle alterne des séances d'endurance, course à pied, vélo, des séances d'équilibre avec lancer de balles pour la coordination œil-main et des exercices en salle. Elle dispose même d'une machine spécialement conçue pour elle afin de renforcer les muscles du cou qui sont extrêmement sollicités lors des courses. Simplement pour ça, là, le côté physique, justement, est-ce que ça serait pas quelque chose qui écarterait les femmes de la Formule 1? Il y en a plusieurs, même des anciens champions de Formule 1 qui disent non, du côté physique, c'est possible pour les femmes de faire de la Formule 1. Ouais. Parce qu'on le sait, si on est vraiment très déterminé, c'est quelque chose que l'on peut faire, que l'on peut s'entraîner. On passe une vie à s'entraîner pour faire quelque chose qui nous passionne. Alors, les femmes, du côté physique, seraient capables et seraient en mesure de justement arriver à prendre place sur une grille de Formule 1 un dimanche matin, exemple. Une légère comparaison avec le hockey ici. Les pilotes professionnels, on s'entend, les pilotes qui veulent justement accéder à la Formule 1 un jour, s'entraînent au même terme qu'un joueur de hockey va s'entraîner. Là. Manon Réon. Ben oui. Écoute, c'est tout ce que je sais. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que les joueurs de hockey font, les pilotes de Formule 1, féminins comme masculins, peuvent très bien le faire aussi côté physique. La différence, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des joueurs de hockey féminines avec des gars, exemple? Pourquoi est-ce qu'on ne mixe pas les équipes? C'est que du côté robustesse, là, je ne crois pas que les filles nécessairement seraient forcément capable de prendre les coups comme les gars. Je suis pas d'accord avec toi. Non? Il me semble que non. Au basketball, as-tu vu les filles de la WNBA? Oui, mais là, on s'entend. Ça pourrait jouer au hockey pas mal, ça. C'est sûr que ça pourrait jouer au hockey pas mal. Ou au football. Oui. C'est rare qu'on voit des filles jouer au football, ben aussi, par contre. Ben, c'est peut-être ça le problème. Peut-être parce que c'est un monde tellement fermé et hermétique qu'il laisse personne entrer. Hein? Ça, c'est sûr. On a fait un événement dans les dernières années quand quelqu'un de gay est arrivé dans la NFL ou dans la CFL ou je sais pas trop quoi, et quelqu'un de noir. On est en 2015, voyons donc. Tout à fait. Arrive en 2015, arrive dans les années 1900 quelque chose. C'est vrai. T'sais? Mais tu sais, juste du côté du hockey, tu commences à jouer au hockey quand t'es jeune. Déjà, en partant, c'est divisé filles-gars. Ben, pourquoi? C'est ça. Bien, je pense que parce que quand t'es jeune, forcément, tu t'entraînes pas au même style qu'un, ça, c'est clair, ouais. Mais qu'un athlète professionnel. Mais ça se fait, ça se fait dans les... Tu sais, mon petit cousin joue dans une ligue de hockey où parfois on peut y voir des filles parce que, justement, le nombre de joueurs est pas assez élevé. Puis ça revient avec du communautaire quasiment. Ouais. Tu comprends? C'est ça, tu sais, c'est un long débat. Puis j'imagine que si on était plus renseigné, on pourrait débattre plus longtemps. Mais oui, les filles sont pas nécessairement... Oui, c'est peut-être reconnu par la science qu'elles sont pas nécessairement construites pareil, mais si elles s'y mettaient et s'entraînaient comme les gars, elles pourraient essayer parce que ça leur tente pas ou qu'elles sont démotivées parce que les gars n'incluent jamais les filles dans aucune de leurs équipes. L'un va avec l'autre, c'est un cercle vicieux. Mais en course automobile, c'est quelque chose que l'on voit quand on commence à faire de la course, que ce soit en karting, les gars vont courser contre les filles. Oui. Déjà, la rivalité est là et ils coursent mixés. C'est génial, ça, génial. Tu vois, c'est rendu en Formule 1. Qu'est-ce qui fait que t'en vois plus? Qu'est-ce qui fait que les filles soit se désintéressent ou vont se faire désintéresser? Probablement que les gars parlent de façon assez vulgaire à ces filles-là. Bien, ça dépend. Okay. Je te dirais que le respect envers les gars qui font de la course automobile versus les filles qui font de la course automobile est quand même très présent. Tant mieux. Je crois plus que ça vient des gens aux alentours. Mais il faut pas oublier qu'en prenant en considération le fait que seulement la voile, l'équitation et la Formule 1, tous les autres sports sur Terre sont regroupés par sexe. Ouais. C'est pas très compliqué, regardez seulement les Olympiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, ils vont déjà être divisés gars, filles. Ségrégation. Il y a trois sports au monde. Là, j'ai pas fouillé tous les sports au monde, là, évidemment. Là, si tu joues à pétanque, oui, okay, c'est beau, c'est mix. Là. Mais c'est pas... tu sais comment? Ouais. Il y a seulement la voile, l'équitation et la Formule 1 que c'est mixte. Hey, ou la course automobile en question. Une chance que c'est pas le Parti conservateur qui s'occupe de la voile. Hein, vous avez... Tu sais, c'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est une minorité extrême. Ouais. Tu sais, tous les autres sont déjà divisés. Est-ce qu'il faudrait commencer à diviser déjà au karting? Moi, je pense pas. Non. Je pense que le fait qu'ils sont mixtes, c'est justement bon. C'est une bonne chose et c'est même peut-être louable et peut-être qu'on devrait s'en inspirer. Oui. Voilà. Dans l'histoire de la Formule 1, là, il y a seulement deux femmes qui ont participé à des grands prix. 1958, il y a l'Italienne Maria Teresa De Filippis. Marie-Thérèse, comment on l'appelle? Ben oui, c'est ça, c'est Marie-Thérèse dans le québécois. Marie-Thérèse De Filippis, qui, elle, a disputé seulement 3 courses et son meilleur classement était 10e mm-hmm. en course. Sur 10? J'ai pas vu sur ouais. combien. Par contre, dans ce temps-là, ça devait être un petit peu plus. Ça devait être comme 16, okay. 17, peut-être même 20. Mm. 20 ans plus tard, en 1978, il y a Leila Lombardi qui, elle, a couru 12 Grands Prix et son meilleur classement a été 6e, ce qui était un exploit. Mm-hmm. Ça fait plus de 40 ans. Oh boy! Là, caméra 3. Regarde la face de Tania et ses mains sur la table. J'ai les mains sur la table. C'est un outrage. C'est ma opinion. C'est un outrage, oui. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un outrage? S'il n'y a pas de filles qui s'intéressent à aller en Formule 1, puis s'il n'y a pas personne qui encadre ces femmes-là à ouais. aller en Formule 1, ben c'est pas tant un outrage. Mm-hmm. Non, le c'est problème est vraiment là. C'est oui. Tu sais, puis j'en parlais dans mon émission En piste avec Tania Baudin. Hashtag. Oui, hashtag En piste avec Tania Baudin durant l'été. Il y a un article qui était sorti avec une dirigeante d'un... Je me souviens plus son nom exactement. Une dirigeante d'un comité en Formule 1 qui, elle, justement, s'occupe des femmes qui sont en Formule 1 ou en course automobile en général. Et elle disait elle-même que le ratio de pilotes féminins versus le ratio de pilotes masculins, déjà en partant, est tellement différent. Ouais. T'as combien de femmes pour le nombre de gars qui vont faire de la course automobile en général? C'est vraiment parce que c'est ça, tu l'as dit, les femmes, les filles ne vont pas nécessairement vouloir... Pas qu'ils veulent pas le faire, mais... ne ressentent pas la possibilité peut-être ben de le faire. C'est ça. Est-ce qu'on leur démontre sérieusement qu'il y a une possibilité pour eux de se rendre là? C'est ça, parce que même que ce soit moi dans mon domaine, c'est plus en sciences, mm-hmm. Mathématiques, technologie, il y en a aussi pas beaucoup. Puis c'est pas parce qu'il y a pas de talent, c'est parce que ils sont pas. La société leur dit genre jouez avec des Barbies puis soyez vedette de mode puis designer de vêtements. Ça leur dit pas genre faites. La science fait des sports. Exactement. Il y a un vrai problème. À part la campagne Lance comme une fille, là, c'est quoi, c'est oui. Dove? Je pense que c'est Dove, oui. Peut-être genre... Mais là, on commence à le voir, là, oui. justement, que les femmes ou les filles plus jeunes peuvent commencer à dire « excuse ». C'est parce que moi, la Barbie m'a jamais vraiment intéressée. Exact. Michelle Obama est très, très pro oui. encourager ça, les femmes dans différents domaines. C'est exactement. Vraiment cool. Même Barbie, récemment, ils ont sorti une Barbie hey. Scientifique, une Barbie... La pub de Barbie. Juste la oui, pub de Barbie qui est sortie récemment. La là. Plus récente. Là. Oui. C'est avec les petites filles qui jouent des rôles de madame, de femme d'affaires. Exactement. C'est excellent madame, comme c'est pub de Barbie. Madame, c'est péjoratif. Des dames, des femmes. Des dames, des femmes, ouais. des filles. Des madames, ça fait péjoratif. On vous partagera ouais. la pub sur Assemblage Requis, mais... Ben oui. Même dans cet article-là, de celui dont je parlais, justement, cette femme-là en faisait la notion que, justement, comme tu le disais, c'est pas le fait qu'il n'y a pas de talent du côté des femmes en course automobile, c'est le nombre de femmes versus le nombre de gars qu'il y a. On saura jamais s'ils ont du talent, si elles ne vont pas étudier ou s'intégrer dans le domaine. On saura jamais si le talent est là. Puis on le sait. C'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas tabou. Au point de dire que oui, il y a des pilotes qui achètent leur volant en Formule 1. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est très politique, c'est okay. très monétaire. Est-ce que de ce côté-là, la recherche justement d'argent pour une femme n'est pas plus difficile? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Là, ça, c'est un autre débat. Ben, mais... ça va dans la tradition aussi. Tu vas à des courses d'auto comme mettons, mm-hmm. le Grand Prix de Trois-Rivières, les seules filles que tu vois sont les filles qui font aller les drapeaux. Ben, c'est un peu réducteur, ça, non? C'est... un des commentaires que j'ai vu sur Internet aujourd'hui dans un des forums que je regardais, ouais. Sur un site Internet qui est quand même très lu en course automobile, qui est motorsport.com. Okay. Il y a un gars qui a dit « Ben, les femmes en course automobile, elles tiennent le drapeau sur la piste et c'est bien correct comme ça. » Tu sais, c'est ça là, mon champion. Premièrement, j'espère que t'as pas de femmes. Ben, probablement. Il y a beaucoup de femmes, encore en 2015, qui apprécient ce rôle d'être la femme à la oui. maison et tout ça, puis on les juge pas. On les juge pas parce que c'est ce qu'elles veulent. C'est ça. Mais de toi décider que la place c'est de ça. La femme, c'est seulement de tenir le drapeau. Tiens-moi le drapeau. Viens c'est ici ça. Que je te slug 30 secondes. Tiens-moi le stick, tiens-moi le drapeau. Exactement. Eh ben, ouais. On a aussi demandé à plusieurs reprises si la solution n'était pas de faire un championnat féminin de Formule 1. Mais encore là, c'est pas un peu encore plus encourager la ségrégation en séparant tout le temps en plein entre les deux? C'est exactement ma pensée. C'est comme s'il y avait une ligue pour les Noirs et une ligue pour les Blancs. C'est la même affaire. C'est ça. Pareil. si on prend en considération le prix que demande une écurie pour courser dans le championnat normal, ouais, tu sais, gars, fille, peu importe, là, présentement, mm-hmm, là, versus le nombre de femmes qui seraient éligibles à devenir pilotes de Formule 1, je pense que ça se tirerait dans le pied juste un peu. Puis avec des écuries, à quand est-ce que les chevaux vont pouvoir participer aux courses? Mais moi, des chevaux vapeur, monsieur. Des chevaux vapeur. Okay. Un championnat à 5 pilotes, là, c'est pas vraiment un championnat. Hein? Non. On le dit depuis des années, accéder à la Formule 1 en temps normal, ça démontre que t'es un des meilleurs pilotes, ouais, dans ton domaine en course automobile. La crème de la crème. Au monde. S'il y a, je dis un chiffre comme ça, là, vraiment, là, grossier comme ça, 250 femmes au monde qui pratiquent la course automobile, ouais, tu vas en avoir combien qui vont réussir à accéder en Formule 1? Mm-hmm. Même si on fait juste un championnat féminin, là, il y en a combien qui vont avoir la force physique, ouais, qui vont avoir le budget de le faire, qui vont avoir le talent? Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, là, faire de la course automobile en Formule 1, c'est aussi une question de talent. Mm. Il y en a combien qui vont se rendre là? Je ne pense pas que de faire un championnat simplement féminin de Formule 1 va amener un très grand nombre, ouais, pareil, de pilotes féminins. Ça, c'est vraiment personnel comme opinion, là. C'est ça. Parce qu'il y a une des pilotes d'essai de développement, qui est Carmen Jordá, comme je l'ai dit en début, qui, elle, dit que ça serait une excellente idée de faire un championnat féminin de Formule 1. Ben, elle a le droit de penser ça, là, mais... ouais. Mais au début de ta carrière, là, t'as voulu te rendre en Formule 1 pour prouver que t'étais une femme qui était capable de courser comme des hommes. Mm-hmm. C'est ça, hein. Sauf que là, t'irais tu dire plus que... comme des hommes, en faisant tu dirais, bah, c'est correct, je vais me rallier au fait que je peux juste courser comme des femmes. Ouais. Bon, moi, il y en a quand même quelques-unes, parce que tu sais, je cherche un petit peu, puis tu sais, bon, il y a des palmarès, les 10 courseuses. Mm-hmm. Pilotes, pilote, ouais. Allons-y avec pilotes. Pilotesses automobiles, les 10 qui ont le plus de succès, donc ça veut, mm-hmm, dire qu'il y en a quand même au moins, oui, plus que 10. Ben genre, oui, juste, je les connais pas tous, mais juste Simona De Silvestro, qui fait sa marque, mmh, dans le monde de la monoplace, c'est une femme que j'aurais aucun problème à voir sur une grille de départ en Formule 1 un jour. Mmh. Tu comprends? Ouais. Il y a Danica Patrick qui, ben, a essayé c'est aussi. C'est le nom que je cherchais, oui, Danica Patrick. Celle qui est... Elle a essayé. Elle est full encouragée par les grandes compagnies. Elle a beaucoup de commanditaires. Elle a décidé d'aller faire du NASCAR. Ouais. Il y a déjà, juste là, un... moins gros problème avec les sexes en NASCAR qu'avec okay, les sexes en Formule 1. Okay. Puis là, on parle simplement du côté pilote. Il y a vraiment tout le côté femme et femmes qui vont travailler dans le domaine de la course automobile. Il n'y en a pas beaucoup, là. Mm-hmm. Il n'y en a pas des milliers. Ça se voit de plus en plus. Mais d'arriver au point où tu veux, ça prend du travail. Ouais. Mais puis il va en avoir, j'imagine que ça va, plus ça va encourager les gens à aller dans le domaine aussi. Ben, c'est parce ce que c'est un effet d'entraînement. Ben oui, exactement. C'est ce que disait Suzy Wolf. Les filles qui sont présentement en course automobile n'ont pas nécessairement eu de grands modèles féminins, non, qui disaient « Hey, tu peux y aller ». C'est elles qui ont frayé le chemin pour les futurs. C'est ça. Elle dit « si maintenant je peux avoir la voix de dire aux jeunes filles « Si tu veux faire de la course automobile dans la vie, vas-y, fais de la course automobile. Peut-être qu'un jour tu auras ta place en, mm-hmm, Formule 1. » Ben, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est peut-être ce que Justin Trudeau va encourager en ayant pris exactement, hey, 50% de femmes. Yo, yeah! Ça, là, allô, hein? Et des gens de tout le monde, de partout dans le monde. Ben oui! C'est ça. C'est ça pourrait encourager les gens parce que ça fait déjà le tour des États-Unis en ce moment, là. Ben, juste en karting, quand t'es rendu à courser au championnat du monde, exemple, ouais, et t'es rendu à un certain âge, 14, 15, 16 ans, ça peut différer tout dépendant la catégorie dans laquelle que tu es, évidemment, mais on en voit déjà là beaucoup de filles. Il se passe quoi avec ces filles-là après? C'est sûr que la question monétaire de la course automobile va toujours rester une des plus grandes problématiques, mais ça l'a toujours été le cas. Mais c'est pas plus difficile pour une fille de se rendre plus loin, ouais, simplement par son sexe. C'est ça. Ça, je suis contre ça, de dire que les filles se rendront pas plus haut simplement parce que c'est une fille puis qu'un jour, elle veut des enfants. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que les décideurs qui choisissent de faire courser, j'imagine qu'il y a des gens qui choisissent les... Ben oui. Oui, qui vont se dire, bon, elle va prendre tout le temps des pauses parce qu'elle va être enceinte. Mais en même temps, de l'autre côté, ben, crème, tu peux la payer moins cher parce que c'est une femme, tu sais. Ben ouais. Fait que, tu sais, en même temps... Ça... Mais j'ai vu ça sur Internet quand que je faisais justement plein de recherches. Ouais. C'était un commentaire. Bien, elle a tout simplement décidé d'arrêter pour pouvoir avoir des enfants. Si c'est le cas, ben tant mieux pour elle. C'est ça, exact. C'est tout ton problème à toi, ça, qui te confirme que c'est le cas, mon grand champion? C'est ça. Le grand champion des grandes connaissances. Juste pour ça, là, pour ce qui est du cas Suzy Wolf, là, ouais. Laisse-moi te dire ce qu'elle a déclaré. Ah, okay? Okay. Oh, c'est une citation de Suzy Wolf. C'est une citation de Suzy Wolf. Okay. Elle a déclaré elle-même « Mon but est de bien faire mon travail de pilote d'essai cette année. » Ça, c'est en début 2015. Williams, l'écurie pour laquelle elle travaille, a fait un bon début de saison, mais nous devons continuer à pousser pour combler l'écart avec les Mercedes et les Ferrari, et j'espère qu'une occasion de courir en compétition se présentera. Je pense simplement que lorsqu'on demande à un pilote, féminin ou masculin, là, oubliez les genres, là, féminin ou masculin, ou autre, quel est son but dans la vie, il va répondre automatiquement « courser » pour gagner ouais. et se battre sur le terrain. Je pense que depuis 2012, parce qu'elle est pilote d'essai et de développement depuis 2012 pour l'écurie Williams, je pense que depuis 2012, Suzy Wolf a comme compris qu'elle n'allait pas avoir un volant au départ d'un Grand Prix en Formule 1, tout simplement. Et qu'après avoir la chance qu'elle a eue quand Valtteri Bottas s'est blessé, ils ont appelé un autre gars. Oui, ben oui. Pour devenir un deuxième pilote d'essai et lui prendre la place de Valtteri Bottas. Quand ils ont engagé quelqu'un d'autre, je pense qu'elle a tout simplement compris que ça allait pas se faire pour elle. Ouais, que c'est ouais. C'est pour la prochaine génération. Hein. Exactement. Ouais. Vas-tu vraiment demander à quelqu'un de rester derrière quand ce que tu veux faire, c'est aller en avant? Comme n'importe quel athlète qui a le désir et la passion de performer, elle s'est tannée d'être sur le banc puis de passer à la bouteille d'eau. Là. C'est juste ça. C'est clair. C'est un sport qui, quand t'es une femme, tu veux rentrer en Formule 1, la première chose qu'on va te donner, c'est le titre de pilote de développement et d'essai. Mais je pense qu'à un certain point, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est de gravir les échelons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre une règle qu'après tant d'années, donner un Moses de volant, c'est elle prouve qu'elle est capable? Tout à fait. C'est ça le but, en théorie. N'importe quel pilote de développement en temps normal... Et là, pour justement un jour avoir un volant, et ça se voit beaucoup plus avec des pilotes d'essai masculins, on en voit qui, eux, vont passer à avoir un volant en temps normal. Ben, faites-le avec les femmes. Mettez une clause qui dit qu'après un certain nombre de temps, si elle prouve qu'elle est capable de faire quelque chose, qu'elle a du talent et qu'elle a la force de le faire, ben, donnez-y une chance. Ça me semble logique. Moi, je pense juste qu'à cette année... Ça te dit pas. Tu sais, elle a 32 ans. Oui, peut-être qu'elle veut des enfants. Ouais, puis elle a pas à le dire, de toute façon. Je veux dire, c'est elle ça. Fait ce qu'elle veut. Hein. Exact. Ouais. Mais je pense qu'elle est juste tannée de rester sur le banc de touche, là, puis de regarder le monde faire ce qu'elle veut faire. Elle a bien raison. Voilà. Voilà. Commentaire éditorial. Commentaire éditorial. Ouais, c'était vraiment... C'était comme un gros éditorial. J'ai pris la place de Seb. C'est ça, c'est bien parfait comme ça. J'aime ça. Puis, en fait, je me suis dit que c'était mieux de terminer avec une chanson, parce que sinon, ça allait finir trop drastique. Mais elle a, je vais vous avouer qu'elle n'a pas vraiment de lien avec la course automobile parce que ce matin, j'avais juste encore le goût d'entendre cette chanson-là. Elle me fait plaisir, cette chanson-là. Oui, mais je trouve que les paroles aussi représentent bien ce qu'une pilote féminine peut avoir en tête bien souvent. Ce borderline-là de savoir est-ce que je suis assez, est-ce que je ne suis pas assez. Alors voici Tove Stierk avec la pièce « Borderline ». Borderline de Torvis Tirk. Une belle chanson. Merci Tania pour ta chronique. Hey, merci Mathieu. Tania is gonna entertain you. On fait ça tous les jours à Assemblage Requis. Et en plus, avec Tania Baudin, dans cette chronique-là, une sous-chronique. Une fois de temps en temps, quand ça adonne. Quand ça adonne, exact. Au retour, une grosse pointe à l'adresse. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez, vous êtes assez. Pour l'écouter. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 5 novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm. Avant de continuer avec une grosse pointe à l'adresse, on a un petit concours pour vous, les amis. Oui, on est comme ça, on est plein de surprises. Bien, en fait, il y a la cohorte de finissants du programme de gestion hôtelière du Collège La Flèche qui organise un événement de financement dans le but d'amasser des fonds pour les activités pédagogiques liées aux différents cours, évidemment. Alors, dans le cadre de cette activité-là, il offre un souper-spectacle. Par contre, le forfait souper-spectacle est déjà rempli, déjà tout vendu. Oh. Mais ils nous ont gentiment offert deux billets pour le spectacle d'humour d'Étienne Dano, cool, qui est mercredi le 11 novembre 2015 à 20h à la salle Hubert Reeves du côté du Collège La Flèche, évidemment. Alors, simplement pour vous, vous avez deux billets, donc une paire. Et si vous appelez... Le 819-376-5183, 376-5183. Et voilà. Vous courez la chance de gagner. On va prendre le... Quatrième appel, tiens. Voilà qu'on écoute Purple Rage avec Dilly Dally. Encore une fois, c'est 819-376-5183 pour un spectacle d'humour d'Étienne Dano. Appelez-nous maintenant en direct le jeudi matin. C'est le même, ça se passe. Comme là. On vient d'entendre une pièce de Dilly Dally qui s'appelle Purple Rage à Assemblage Rocky. On félicite notre gagnant au concours. Excuse-moi, je t'ai pas ouvert, c'est là. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, félicitations à Alexandre qui a appelé le quatrième appel. Alors, c'est lui qui se voit remettre la paire de billets pour le spectacle du 11 novembre à 20h. Avec Étienne Dano. Oui! Félicitations, Alexandre. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est notre moment préféré de la semaine. On termine presque la semaine là-dessus. Voici une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse! Ah, c'est une grosse pointe tendresse. Même si je ne l'avais pas allumé tantôt, Tania, là, je vais t'allumer avec de la nourriture. Oh my God! Oh my God! Je pense qu'on va s'allumer tous les deux. Ça va être allume-moi. Ça va être comme avec Philippe Bond. Et hey, puis là, en plus, c'est du sucré, hein, tu disais? Oui, oui, c'est du sucré. J'espère que c'est pas trop sucré. T'aimes pas ça sucré le matin, toi? Ben, on dirait que le matin, ça... J'aime le sucré naturel, mettons, le matin. Ben voyons donc, t'es donc bien faite faible. C'est quoi, les femmes en radio sont... sont faibles? Sont faibles! Voyons donc, retourne me faire un sandwich! Non, c'est des blagues, c'est des blagues. On a fait une chronique sur le féminisme tantôt. Hein. Oui. C'était toute de l'ironie ici. Dans ma blague. J'espère. Voilà. Du sarcasme. La différence entre un sarcasme et l'ironie est toujours difficile pour moi. Bien bref, vrai. Aujourd'hui, je vous propose comme produit sucré dans une grosse pointe tendresse des jujubes. Oh my God. Et non seulement des jujubes, mais des jujubes avec du melon d'eau. Hein? Ça m'intriguait. Okay. C'est les Jolly Rancher Juicy Burst Explosion Juteuse. C'est écrit nouveau dans le coin. Ben oui. Ça veut rarement dire grand-chose. C'est composé de saveurs naturelles et artificielles. C'est au melon d'eau, pommes vertes et cerises. Et ils sont remplis de liquide. Ah ouais. Tu vas avoir du petit jus. Ça veut dire qu'on peut pas croquer dedans avant exploser. De se le mettre dans la bouche au complet. Non, ben non, on peut pas prendre une bouchée de jujube. OK. Mais c'est des jujubes mous, c'est ça. Là. C'est pas des bonbons durs. Contrairement aux Jolly Rancher, qui souvent sont des bonbons durs. Ah oui. Est-ce que t'avais goûté les Jolly Rancher qui étaient comme faits en rond sur le rond avec une autre pâte à l'intérieur? Il me semble que oui, je me rappelle pas. Style surette. On les a peut-être même essayés en onde. Est-ce que tu les trouvais bons? Je me rappelle pas. Moi, j'ai eu de la difficulté avec ceux-là. Donc, tu penses que tu pars avec un petit préjugé envers les Jolly Ranchers? Non. Ici? Je pars avec le jugement que il y a rien de mieux que les bons vieux Jolly Ranchers. C'est vrai ça. Mais ça fait mal aux gencives, il me semble. Ça fait mal. Ouais, mal mais t'es pas censé le croquer, là. T'es censé le sucer. Exact. Il y a rien d'autre à dire. Aucun renseignement là-dessus. C'est fait. C'est importé par Hershey Canada. Ok. Ok. Ingrédient. Ben il faut un griffe. Ingrédient. Sirop de maïs, évidemment. Évidemment. Hein? Sucre. Okay. Ouais. Gélatine, c'est des jujubes quand même. Amidon de pommes de terre modifiées, ça me surprend ça. Ah ouais. Des pitates. Amidon de maïs modifié, acide malique. OK. Mm-hmm. Pectine, arôme naturel et artificiel, huile de copra modifiée. Copra Winfrey. Citrate de sodium, cire de carnauba et colorant. Je sais pas ce que la majorité de ces choses-là sont. Par contre, ce que je vois, c'est qu'ils ont essayé de faker un petit peu. Et j'ai hâte de voir, une fois le sac ouvert, les jujubes dans le coin du sac sont en forme du fruit qu'ils représentent. Oh boy. Donc, on voit la pomme verte est en forme de pomme avec même une petite feuille au bout. Okay. Cerise a aussi une tige et une feuille. Et le melon d'eau est coupé en deux. C'est un demi-cercle. Ah, ben oui. Je sais pas si les jujubes sont comme ça dans le sac. Si c'est le cas, cute en maudit. Ouais. Tu sais? Ouais, je suis d'accord. On va voir. C'est nouveau, les Jolly Rancher Explosion Juteuse. Je peux me permettre de te le lancer, celle-là. Je pense que oui. Des jujubes, quand même, ça fera pas de mal à personne. Et le micro magique est là pour toi tous les jeudis matin. On se brosse le sac comme toujours. Faut le dire à chaque fois. Ben oui, pas le choix. Ah, tout ça façon sac de chips, toi. Ah, tu voulais pas que je. Ben moi, j'aurais ouvert fente, mais ouvre le sac de chips si tu veux. Il y a une fente exprès pour toi sur le dessus. Ouais, je sais. Vas-y, comme. Peut-être parce que effet sac de chips, ça se fait pas. Ah, ça se fait là. Ça se passe. Oh oui. Oh, je l'ai quand même mal ouvert. Ah, on sait bien une femme en radio. Ça sent le plastique, les amis. Ça sent le plastique, ça sent. Ben, c'est marqué couleur et saveur artificielle. Là, j'essaie de prendre chaque. Est-ce qu'ils ont l'air durs un peu? Ouais, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de jus là-dedans. Là. Ils sont pas tout à fait mous. Merci. Puis. Ils ont les couleurs vraiment pas mal artificielles. Ah, ça sent vraiment fake, c'est de loin. Là. C'est comme le melon d'eau est orange. Ah, OK. Puis ils sentent toutes la même chose. Mais au moins, en effet, chaque fruit est représenté de la forme nécessaire. Donc la cerise est en forme de cerise, etc. Et le melon d'eau est vraiment un demi-cercle. Oui, la petite pomme a même vraiment la petite feuille. C'est mignon, mais ça a l'air incroyablement douteux. Ouais. La couleur est pas assez brillante. Le vert devrait être un vert pomme, un vert brillant. Là, c'est un vert fade. En tout cas, on essaie la pomme en premier? La pomme en premier, allons-y. On a hâte de voir le jus qu'il y a dedans. Ah, il y a là le jus, là. Ah, ok, je viens de le recevoir. On dirait juste de la salive à saveur de pomme. C'est dur. C'est plus jujube que j'aurais pensé quand tu l'as tapé sur la table. Mm-hmm. Mais plus dur que j'aurais pensé. On dirait que ça fait un bout qui sont dans le sac. Ben, ça veut pas dire que c'est frais, frais, frais. Hein. C'est marqué meilleur avant janvier 2016. On est correct. Il n'y a pas beaucoup de jus dedans. Moi, je pensais que ça allait vraiment faire un splash. Étant donné que le jujube est transparent, on voit même pas le jus dedans. Ouais. Il est où le jus? Si tu le brasses, tu l'entends même pas. Je sais pas. Ok, on essaie la cerise. C'est... On sait que t'aimes pas les cerises. Ouais. Ben, je sais. Mais il est où le jus? Ça goûte pas à cerise, ça. Non, vraiment pas. Ça goûte... goûte le plastique. Les jus plates, ouais. Ça goûte les lèvres un petit peu, mais en moins piquant. Fait comme ouais, un peu. Je suis d'accord, mais ça goûte vraiment pas la cerise dans non, ma tête. Non, fait que, tu sais, comme j'aime le goût, mais... Non, non. Non, j'aime pas vraiment le goût. Moi je me fiais... Goûte la raison. Plastique. Tout à fait. La raison pour laquelle j'ai acheté le sac, c'était le melon d'eau. Oui. Donc, on termine avec le melon d'eau. C'est mieux d'être bon, parce que moi, la saveur fake de melon d'eau, j'aime bien bugger gros ça. Ben, moi aussi, tu sais, les fameux petits melons d'eau surettes, oui, là. C'est meilleur. Ça, là, meilleur bonbon ever. J'espère. Tu veux gagner mon cœur, achète-moi des melons d'eau surettes. Good. Prends des notes. Prends des notes, monsieur. Ça goûte le melon d'eau fake. Ouais. Ouais. Mais. Il y a un petit quelque chose que j'aime pas. C'est comme le petit jus qui vient se mêler à ouais. ça. Le jus coûte pas de ma affaire, on dirait. Non, moi, c'est, non, ça me convainc pas, mais zéro. J'aurais apprécié qu'on mette juste le jujube au melon d'eau, pas le jus dedans. Ouais. Sur celui-là. Ouais. Non, c'est moi, pouce en bas. Ça goûte trop le plastique, j'aime pas ça. Ouais, moi aussi. Bon. Ça goûte le plastique, puis sa texture plastique aussi. Y a aucun point positif à ça. Non. Du tout. Ben, le logo est beau. Ouais, tu sais, c'est. Bon. Je le dis, là, le classique Jolly Rancher. Jolly Rancher. Je suis bilingual le matin. ouais, je sais pas, on dirait quelqu'un avec qui t'allais au secondaire, là, Julie Rancher. Julie Rancher. Tout comme ça. Mais non, non, déçu. C'est décevant, c'est triste parce très que pour déçu. Vrai, moi j'avais de hautes attentes par rapport au melon d'eau principalement. J'sais. Ouais. Bref. Jolly Rancher, explosion juteuse au melon d'eau, pommes vertes et cerises, 2 pouces en bas, un de chaque bar pour ça. Ouais. Très, très, très triste. Misère. On va y aller avec quelques nouvelles de fast-food, pourquoi pas. Allons-y. On aime ça. Commençons par l'Halloween. Une petite nouvelle d'Halloween. Ben oui. Ça tente qui vient de se passer. Un stand de hot dog à Chicago s'est déguisé en McDowell du film Coming to America. Ça, c'est un prince à New York avec Eddie Murphy, mm-hmm. tu te rappelles. Donc, Wiener's Circle. Ça, c'est un excellent jeu de mots, Wiener's Circle. Comme ben oui. Wiener's Circle, le cercle des gagnants, avec des saucisses. Wiener's Circle. Je trippe ben raide sur ça. Donc, à Chicago, Wiener's Circle, connu pour les gens qui aiment manger à la fin de leur soirée. C'est un stand à hot dog qui est ouvert très tard. C'est décoré pour l'Halloween en McDowell, la chaîne d'hamburgers fictive du prince Hakim et son ami Semi, joué par Arsenio Hall dans le film de 1988, Coming to America. L'équipe de Wiener's Circle s'est déguisée en uniforme connu du film de McDowell. Malade. C'est vraiment cool. Et il y avait des pancartes qui annonçaient le Big Mick hamburger sans mm-hmm. graines de sésame, le Soul Glow, et l'employé du mois, Maurice, joué par Louis Anderson dans le film. C'est cool. Hein? Le très cool. Gérant du restaurant, Scott Brooker, a dit que l'idée a été amenée par 5 investisseurs locaux qui avaient récemment acheté le magasin qui a 33 ans, ce restaurant-là. Wow! Félicitations. Et allez voir le clip, évidemment, de Coming to America, un prince à New York, sur assemblagerequis.com et les petites photos du commerce sur le site aussi. Et ça, le film Le Prince à... Tu peux me répéter le titre? Un prince à New York. Voilà. Oui. C'est là-dedans hein, qu'il sort sur sa galerie puis il crie comme « Hey, hola, mes amis! » Puis là, il y a quelqu'un qui répond « Hey, oh, ta gueule! » ça se passe très bien, ça se passe très bien. Je pense que oui. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont mis dans leur fenêtre une pancarte, il dit « Nous ne servons plus le déjeuner toute la journée, contrairement aux autres McDonald's. » Oui. Hein, pour pas que les gens pensent que tu peux venir te chercher un déjeuner chez McDonald's. J'avoue, parce que ouais. C'est pas un McDonald's, c'est un McDowell. McDowell, bon, faites... comprenez un petit peu, là. Oui. Ensuite, pour ceux qui... Est-ce que t'aimes la vinaigrette ranch? Légèrement. Tu sais, comme pas en trop grosse quantité. Okay. Dans un sous-marin poulet ranch bacon. Ah, ça pourrait être bon. Ah, ça, c'est vraiment bon. Ah, là, tu me donnes le goût d'aller manger du pichapit à midi. C'était l'autre là, que je parlais. Mais c'est du placement gratuit. Ben, exactement. On n'est pas supposé dire les noms des marques, Madame Marketing. Tu vas aller étudier, puis ils vont te dire de ne pas dire, pas faire de la pub gratuite, à moins qu'ils nous envoient un petit peu d'argent ou au moins leurs produits. Hein? Donc, pour les oui, c'est ça, parce qu'on attend ça là, sur le coin de la table pour midi 15 à peu près, mettons, pour manger. On ira peut-être manger chez Angéline à la place. Oh boy! Colin, ok. Ah oui, parce qu'eux autres, ils ont peut-être un placement de produits futurs dans nos grands médias. À l'échelle de notre cœur. À l'échelle de notre cœur. La grandeur des médias est dans notre cœur. Et ici. Voilà. Donc, si t'aimes le ranch, il y a un restaurant dévoué complètement à ce condiment crémeux. Ah, c'est ouais? pas génial. Ça. Les Américains aiment beaucoup leur vinaigrette ranch. C'est comme eux qui ont inventé ça en plus. Là. C'est ça. Donc, le Twisted Ranch va amener ça à un tout autre niveau en montrant 18 variétés de cette trempette sur leur menu selon Feast Magazine. Le restaurant est basé sur le désir des copropriétaires d'ouvrir un restaurant et de partager leur bonheur et leur engouement envers la vinaigrette ranch. Wow. Presque tout dans le menu du restaurant va contenir ce condiment-là, sauf les desserts. Hein? Mm-hmm. Grâce à un mix de ranch. Pourquoi je dis ranch? C'est comme un accent de cowboy. Ranch. Donc, développé, c'est une poudre de ranch qui a été développée par les propriétaires. Le saisonnement qu'on trouve dans tout, que ce soit la pâte, les miettes de pain et panko, okay. Alors ravioli rôti. Grillé, à des côtelettes de porc. Tu me donnes faim. À des croûtes sur de la pizza mince, croûte mince. Donc, 18 variétés de ranch. Donc, une saveur pour à peu près n'importe quel goût, dont ranch à l'ail, ranch buffalo, ranch au paprika fumé, tzatziki ranch, chipotle ranch et Thai ranch. Wow. Thai ranch, on dirait une affaire de char, là. Passe-moi une Thai ranch. Tu parles du ratchet? Le Thai ranch. Il n'y a pas une clé de Thai ranch? Une clé à cuisse? Une clé à cuisse! Thai ranch! Quoique le ranch va directement aux cuisses pour certaines personnes. Ouais. Et aux fesses. Ensuite, on reste dans les endroits spéciaux. Là, on a parlé de McDowell, on a parlé d'une place de ranch. Là, c'est une place au Japon qui va avoir un café My Little Pony. Oh mon Dieu! Les petites pouliches sont bien à la mode. Et la nourriture reste toujours bien à la mode. Hashtag foodies, hashtag My Little Pony. Hein? Ben, hashtag ouais. Friendship is forever. Est-ce que t'as vu le Sunday? J'ai pas vu le Sunday. Oh boy. Ok, le Sunday, on va le décrire un petit peu. Ça vaut la peine d'être décrit, là. On dirait de la crème glacée blanche. Oui. Quelque chose comme ça. Avec de la crème glacée rose intégrée à l'intérieur pour faire ma little pony. Et ensuite, la garniture sur le dessus est glacée et est en multicolore arc-en-ciel un peu. Et un biscuit rose avec des arc-en-ciel dedans. Non, c'est la pouliche que tu. Ah, c'est la pouliche dessinée, j'avoue. On dirait juste des crottes d'arc-en-ciel. C'est en effet une pouliche. Mais ça a l'air vraiment bon. Oui. T'as des crêpes aussi? Oui. Qu'est-ce que t'as d'autre? Un petit cocktail de filles? Ben, tu sais, typiquement de filles, mettons. Très ouais. rose. Moi, j'en boirais 15 de ça facilement. Mais j'ai comme l'impression que c'est un petit smoothie. On dirait un petit smoothie, mais... Parce que l'autre, en avant, boit un café. Ça ressemble à de la slush. On dirait un flotteur. Ah, peut-être. Je crois que c'est un flotteur parce que t'as comme une slush et sur le dessus, une boule de crème glacée. Ça ressemble pas mal à ça. Les fenêtres sont décorées My Little Pony. À l'intérieur, il y a des petites pouliches assises sur des chaises. C'est magnifique. C'est vraiment joli. Donc, c'est ça, le décor est là. Et puis, ça faut vraiment triper sur les pouliches, par exemple, pour y aller. Mais et ça fait genre, on a choisi de prendre la marque de commerce sans le demander. Fait que je suis pas sûr que ça va rester ouvert tout le temps. Oups. On dirait. Ça a pas l'air d'être sous licence de My Little Pony. Je sais, de Hasbro, je pense. Hasbro. Maintenant, IKEA va ouvrir des magasins de bonbons à l'intérieur de ces magasins. Tania, j'espère qu'ils n'auront pas des Jolly Ranchers, explosions juteuses, melon d'eau, pommes vertes. Donc, visiter un IKEA, c'est déjà le fun pour tout le monde. Les boules de viande, hein? Oui, les boulettes de viande. Tellement, tellement bon. Mais ils vont ouvrir donc des magasins de bonbons dans chaque magasin américain, inspiré par la tradition la plus pure des bonbons. Donc, les Lordas Goodies Pick and Mix Sweets. Oui, Lordas Goodies. Vous avez bien compris. Basé sur une tradition scandinave du même nom qui veut dire le bonbon du samedi, Saturday Candy. Donc, c'est un rituel où les parents emmenaient leurs enfants dans une boutique locale de bonbons pour choisir un sac de bonbons. 45 variétés de petits gummies, des bonbons suédois, de la réglisse, du chocolat, des guimauves et encore plus. Lordags Goodies est présentement ouvert dans plusieurs magasins aux États-Unis. Ça va continuer, ça va se dérouler dans les différents magasins et sûrement, j'imagine, au Canada et au Québec. Fait que ça va être typiquement des bonbons suisses? Des bonbons scandinaves. Suédois. Ouais. Ou suédois. Ben, je sais pas suédois parce que IKEA, c'est suédois. Oui. Mais là, Lordags Goodies, c'est basé sur une tradition scandinave. Donc. Mais ça serait cool que ce soit des bonbons qu'en temps normal, on n'a pas ici. Maintenant. Exactement. Ben, ça, c'est clair. Quand tu vas chez IKEA, tu vas dans les petits. Il y avait déjà des bonbons chez IKEA. Ouais. Il y a des petits présentoirs. C'était déjà des bonbons que tu n'avais jamais goûté ailleurs. Mm-hmm, c'est vrai. Moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment cool d'aller là et ça va continuer avec une boutique de bonbons dans le IKEA. Ensuite, Tim Hortons Express qui ouvre dans une banque de Saint-Louis. Mm-hmm. Oui, Tim Hortons, c'est connu, ça fait de l'argent, mais maintenant vous allez pouvoir peut-être retirer et déposer de l'argent chez Tim Hortons. Reliance Bank a annoncé, c'est le contraire, vous allez pouvoir dépenser de l'argent dans une banque à côté. En tout cas, vous comprenez, le Tim Hortons va être dans la banque, pas le contraire. Il n'y aura pas de banque dans un Tim Hortons. Non. Des fois, il y a des garages dans Tim Hortons. As-tu déjà vu ça? Des Tim Hortons dans des garages? Comment c'est louche? Non. Parce que la portion garage est très, très genre... c'est dépanneur de garage, là, super station cheap. D'essence, station mettons. D'essence, ouais, c'est ouais. Ça. Et t'as un mini kiosque avec toutes les belles enseignes de Tim Hortons avec un auvent puis le petit uniforme qui est juste à côté d'un dépanneur de garage, mais ça reste... Ça garde l'image d'un dépanneur de garage pas de classe. Fait qu'on dirait que c'est comme une dichotomie, je sais pas trop quoi... Il y en a beaucoup à Montréal de ça. Oui, à Montréal, c'est ça. Et c'est vraiment bizarre. J'avais comme jamais vécu ça. Genre jusqu'à... sur le coin de rue où j'habitais avant. Oui, ben c'est spécial. Bref, Reliance Bank a annoncé un partenariat avec Tim Hortons. On va voir des Tim Hortons à l'intérieur de la franchise de Saint-Louis-Frontenac. Ça devrait... Ben en fait, ça a ouvert à la mi-juillet. Et c'est donc un Tim Hortons Express Café à l'intérieur. Et selon le CEO et président de Reliance Bank, ce nouvel endroit est un modèle intégré qui permet à notre clientèle d'entrer et de sortir très rapidement. Donc on voit dans la banque, il y a, évidemment ça garde le décor de la banque en tant que tel, donc les piliers, les poutres, les poteaux, etc. C'est tout blanc, comme dans la banque Reliance Bank, j'imagine. Mm-hmm. Et en haut, un petit logo Tim Hortons Express Café. Le bureau en tant que tel, le comptoir, est en bois sombre, bois foncé. Très, très, très classe. Et le petit présentoir à beignes est derrière une vitre givrée pour donner vraiment plus de classe qu'un Tim Hortons habituel. Mais c'est bien. Je trouve ça joli. Et il y a une petite vidéo de présentation sur assemblagerequis.com. Dans les notes de l'émission 888. Ensuite, on reste dans les thématiques, dans les places, dans d'autres places. C'est en Corée du Sud où on ouvre un café à tendance... à tendance poop. Les petits caca. Petits caca d'effication, c'est etc. comme les petits emojis. Oui, comme l'emoji de caca mais rose. Donc oui, le café n'est pas fait à partir de caca. C'est pas non plus le café avec les grains de café mangé par un animal qui est ensuite repoupé, ensuite refait. J'espère pas. Comme on a déjà parlé, là, c'est pas ça. Donc c'est le site Seoul Searching. C'est un jeu de mots avec Seoul Searching et Séoul, t'as compris? Oui. Qui est allé voir le Poop Café à Séoul, près de Gyeongbokgung Palace. Oui, c'est bien, bien dit. Absolument pas. Et c'est ça, de l'extérieur, le café a l'air très, très traditionnellement coréen, comme n'importe quel café, mais à l'intérieur, le décor a une tendance caca. C'est fait avec goût, par contre. Donc, on peut peut-être décrire qu'est-ce qu'on retrouve dans la place. Il y a des graffitis de défécation et de colons sur le mur, hein, quand même. Et c'est servi dans des tasses faites en bol de toilette. Exactement, le café chaud servi dans des tasses en forme de toilette. Et on peut commander son rose latte avec de l'art poop dessus. Donc, à la place de dessiner, mettons, un cœur sur le café, on peut dessiner une crotte, on peut dessiner des choses comme ça. Oh mon Dieu, est-ce que t'as vu, il y a des petits craquelins faits en petit caca? Ils sont magnifiques, les craquelins. j'aime aussi les coussins. As-tu vu les coussins en forme de caca? Oui. C'est très, très joli. Ils font des petits... Tu sais, quand que tu vas, exemple, au café... Quand tu vas au Café Morgan, exemple, ils vont faire un petit dessin dans ton latte. Oui. Ben là, le petit dessin qu'ils font, c'est l'emoji du petit coca. Exactement. C'est parfait. Là. L'idée est vraiment bonne. Ça c'est va très faire drôle. Deux. C'est ça. C'est sûr. Ensuite, un bar à Londres sert des drinks en forme... en fait, non, c'est ça. Ça sert des drinks. Oui. En nuages. OK. Que tu inspires. Hein? D'accord. Donc, c'est un nuage d'alcool fait d'un ratio 1 pour 3 de spiritueux versus mixers, spirits to mixers, okay. Un ratio 1 à 3. Et donc, tu as des habits protecteurs que tu dois porter pour te protéger, pour protéger tes membranes de mucus, d'être surexposé à ce nuage d'alcool-là. Ça a l'air incroyablement pas safe du tout. Ben là, mon Dieu, comme tout le monde va prendre une sniff puis ils vont tomber, c'est quoi? Il y a d'autres drinks plus traditionnels, d'autres spiritueux qu'on peut acheter dans ce bar-là. On sert plein d'alcool, mais il y a des nuages d'alcool que tu peux inspirer. C'est tout. Wow. Mais ça me fait un peu penser au fameux bar oxygène que tu peux retrouver un peu partout en voyage. Les Hookah Bars et ces trucs. Ouais, ça a l'air cool, ça. Ouais. Ensuite, McDonald's commence à tester la vente de boissons énergisantes dans 5 États aux États-Unis. Oh mon Dieu, mauvaise idée. Ben, c'est ce que je pense aussi, là. Si t'as besoin d'un petit pick-me-up, un petit remontant. Moi, je pense qu'une frite, ça te remonte déjà. Ça... Ou ça t'endort, ouais, j'avoue, je sais pas. Bref, un repas valeur, c'est bon, mais un repas valeur avec une boisson énergisante, ça va juste faire que McDonald's va pouvoir faire plus d'argent parce que les gens en voulaient de toute façon. Donc, on teste la vente vente des boissons Monster dans 20 restaurants au pays, selon Bloomberg. Le test a débuté cet été au Michigan, en Ohio, en Géorgie, en Floride et en Illinois. Les gens qui veulent prendre cette petite caféine-là de plus qu'un café normal vont devoir payer une charge additionnelle de $1.50. Donc, c'est en trio avec ton repas. Tu rajoutes $1.50 pour avoir une boisson. Non, ça a du sens comparé au prix qu'ils vendent ces boissons-là en dépendant. Ouais. Donc, Monster qui avait formé un pacte l'an dernier avec Coca-Cola pour transférer toute sa distribution américaine et canadienne au géant Coca-Cola. Et donc, McDonald's a justement un long partenariat de longue date avec Coca-Cola. Je sais pas si t'as remarqué qu'il n'y a aucun Pepsi dans aucun McDonald's, c'est tout ça avec Coca-Cola. Et bien, Monster fait partie de la famille maintenant, donc on peut faire ça. C'est beaucoup plus facile quand t'es déjà dans la famille de venir intégrer le petit cousin hyperactif qu'on appelle Monster Energy. On salue les amis de Monster. Oui, tout à fait, qui n'ont aucune commandite ici. Non. Donc, on n'utilise pas et apprécie pas du tout vos produits jusqu'à ce que vous en achetez de la pub. Les amis pour vrai. Ah, c'est vrai, OK. Parce que j'allais dire que quand vous achèterez de la pub, on va en boire tous les matins et Assemblage Rocky sera... Hey, si... On n'a pas le droit de faire ça. Des boissons énergisantes? On n'aurait pas le droit. Pour vrai? Ouais. L'alcool, je savais, mais on n'a pas le droit d'être présenté par une boisson énergisante. Ben, on n'aurait pas le droit de faire la publicité, tu sais, mettons, Red Bull, donne des ailes, parce qu'on est dans un institut... Mais même si on est indépendant? D'éducation. Même indépendant? Si je me souviens bien, ouais. Ah ben, ça m'intrigue, cette idée-là. Parce qu'on est entouré de jeunes qui sont... Mais il n'y a pas de... Tentés. Ah, ouais. Ouais. OK, ben ça pourrait en abuser. Ça a du sens, un peu comme les cartes de crédit. Puis les vapoteuses. On a plus le droit d'être annoncé. Ouais, exact. Ça, je comprends ça. Bref, boisson énergisante avec modération, je vois pas vraiment le problème. Mais bon, peu importe. McDonald's, on rache chez eux. McDonald's qui teste des patates douces, des frites aux patates douces au Texas, un peu comme IW fait et que j'adore, leurs frites patates douces. Donc, McDonald's est connu pour ses frites très, très salées, frites normales de patates. Hein? On se rappelle aussi qu'ils avaient essayé les shaken flavors, les petites poudres qu'on pouvait mettre dans un sac. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, maintenant, on essaie des frites de patates douces au Texas. On a ajouté ça sur le menu. C'était un test pour le pilote qui s'appelle Create Your Taste. Ils ont l'air bien croustillants. Oui, ils ont l'air absolument délicieuses. Je les essaierai n'importe quand. Mais ils ont essayé plein de choses. Hein. Ils ont essayé des bâtonnets de fromage. Ils ont essayé des... Qu'est-ce qu'ils avaient essayé? Des ailes de poulet. Mais je pense que ça va pogner quand même. Ça pourrait fonctionner. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de monde commander des frites de patates douces chez IW. Un porte-parole dit que c'est présentement disponible à Amarillo, au Texas, pour une durée limitée. Et on va voir si ça va ailleurs. J'aimerais bien ça. Mm-hmm. Faudrait qu'ils se mettent à faire des oignons français. Oh oui, oui, maison. Mais pas les vendre 4 ou 5 piastres comme à la cafétéria de l'université. Pour trois rondelles d'oignon, bande de... Depuis environ 2 semaines, 3 restaurants McDonald's montréalais testent la transformation de marque de l'entreprise. Tu nous en as parlé un petit peu dans les dernières semaines. Une expérience personnalisée où on peut concevoir son burger et se faire servir à table. Hein? Oui. Depuis 2010, les restaurants McDonald's canadiens, notamment, présentent des changements fréquents. Par exemple, on a lancé le McCafé, le design des succursales a été repensé. Ces modifications s'inscrivent dans une volonté de répondre aux demandes des consommateurs. Et cette fois, l'expérience client est renouvelée. Donc, une borne électrique tactile permet aux clients de choisir le pain, les garnitures, la sauce, le fromage, l'accompagnement et la boisson. L'expérience client est également renouvelée par un service accru. Un employé peut ainsi aider les clients à utiliser la borne au besoin et ces derniers choisissent de concevoir leur propre burger. Ils peuvent s'asseoir car quelqu'un ira leur porter à leur table puis gardera le contact avec eux durant toute la visite. Moi, tu vois, une des raisons que j'aime les fast-food, et ça, c'est mon opinion à moi très, très, très honnêtement, la raison même que j'aime plus les fast-food que les restaurants assis qu'on appelle, c'est que t'as pas à parler à personne à part la caissière. Tu fais ta transaction, puis c'est fini. T'as pas de mais voulez-vous un petit refill? Tu vas bien ici? Alors que t'as la bouche pleine, genre, que t'es en pleine grosse bouchée, puis ça va bien ici. Ça, j'aime aucunement l'expérience de ça. OK. Aucunement. Donc, d'avoir caissière, in, out, badaboum, badabing, je m'en vais, c'est tout. OK. Moi. Ouais, c'est bon. Je comprends ton point de vue. C'est ça. Mais au moins, t'auras pas à t'asseoir, attendre que quelqu'un vienne te voir, à dire « j'ai pas terminé mon choix », qu'il repasse plus tard, puis tu sais. Au moins, t'auras pas à faire ça. C'est toi qui commandes sur ta tablette. Ça, je trouve ça cool. On a parlé de McDonald's qui commençait à faire des déjeuners à l'allée longue il y a des semaines, il y a des mois de ça. Là, maintenant, on parle de Burger King qui essaie le déjeuner à temps plein aussi. Bon. Oui, apparemment qu'il y a un grand bassin de gens qui veulent leur déjeuner toute la journée. Donc, les restaurants essaient de s'adapter. Et à Garwood, au New Jersey, de l'autre côté de la rue d'un McDonald's, on a un Burger King qui vient de commencer à servir le déjeuner toute la journée. C'est sûr. Mais ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut installer une deuxième friteuse pour les patates à déjeuner versus les patates normales. Il faut installer comme le matériel en double dans les McDonald's. Donc je sais pas si Burger King fait la même chose ou s'ils font juste faire les patates dans la même friteuse que les frites pour l'instant. Puis si ça devient populaire, on essaiera le deuxième. Est-ce que ça changerait sérieusement quelque chose? C'est sûrement la durée de cuisson. Les patates hachées dures, là. C'est la durée de cuisson. C'est des frites chopées. Ouais. mais tu fais pas cuire la même durée. Ouais, je suis d'accord. D'après moi, ça prend deux machines. C'est ce que McDonald's dit, en tout cas. C'est une initiative locale pour l'instant. On ne sait pas si ça va s'adopter, dans le reste du pays. On reste chez Burger King pour leur sauce top secrète pour leurs frites de poulet. Est-ce que t'aimes les frites de poulet? J'ai jamais goûté. Chez PFK, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus, malheureusement. C'est rendu des trempoulets, mais j'aime beaucoup leurs trempoulets. La sauce secrète, on connaît tous l'idée des sauces secrètes. On sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans, mais on aime toujours le nom et souvent le goût parce que ça a un petit goût particulier. Une sauce secrète qui est distincte à chaque place. Mm-hmm. Donc, Burger King amène ça un petit peu plus loin avec une sauce spéciale pour leurs frites au poulet. Par contre, c'est pas vraiment un secret. Le secret, c'est qu'elle n'est pas sur le menu. Ah. Donc la compagnie ne fait pas la promotion de sa sauce secrète sur Twitter et sur Facebook. Mais là, trop tard. Ouais, exactement. Donc il y a des restaurants qui n'ont même pas encore entendu parler. La sauce mystère est intrigante, une promotion amusante pour Burger King. Donc on essaie de résoudre le mystère. Selon Brand Eating, ils disent que cette sauce-là est une sauce barbecue et au miel, similaire à celle qu'on sert dans la chaîne américaine de poulet Chick-fil-A. Donc c'est ça. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Chicken fries. Mais si, ça veut-tu dire que tu peux te présenter à ta caissière pour dire « Psst, oui. Donne-moi la sauce secrète. » C'est exactement ça, sauf que comme je disais, il y a des restaurants qui sont pas encore au courant, il y a des employés qui ne le savent pas. C'est le problème avec des restaurants par franchise. Mais c'est oui. Que Burger King peut bien faire de la promotion sur Twitter, sur Facebook ou n'importe quoi, mais si l'équipement et les boîtes du produit sont pas encore rendues dans les restaurants seront pas encore au courant que ça existe si eux-mêmes ne suivent pas les pages comme des fans. T'sais. C'est malaisant un peu. Un petit peu malaisant si t'arrives chez Burger King, tu demandes la sauce secrète puis qu'ils l'ont pas, t'sais. On reste chez Burger King avec du vin Burger King. T'es-tu déjà demandé du quel vin Burger King? T'es-tu déjà demandé quel vin irait bien avec un Whopper? Jamais. Ben non, ben c'est ça. Burger King a fabriqué un vin à boire avec le Whopper. Pourquoi? Aucune idée. Mais quand même, ça existe. L'article dit absolument rien de plus. On va aller sur l'article source juste pour voir s'il y a quelques détails de plus sur fooddiggity.com. Ça dit que c'est présentement disponible chez Burger King en Espagne. On offre des... on offre des boîtes de un petit présentoir, une petite boîte gratuite à quelques gagnants d'un concours en Espagne pour ce Whopper Wine. Eh ben. Ensuite, on va terminer avec un Taco Bell qui plie des croissants en deux et appelle ça des tacos. Y a pas ça, ici. Y a jamais rien ici, Tania, si c'est bien. Oh. Tous les sujets dont on parle, y en a jamais. Mais j'ai jamais mangé au Taco Bell, tu sais, y en a à Toronto, mettons. Oui. Mais j'ai jamais vraiment était au Taco Bell, pourtant tout le monde en parle. Ouais, bon. C'est comme waouh. On me dit que c'est pas si bon que ça. Ah ouais? On me dit que c'est pas si bon que ça. Mais ça a pas l'air super bon pour la ligne en tout cas. Non, absolument pas. Donc Taco Bell qui plie des croissants, c'est exactement ça. Un croissant, évidemment, c'est en forme de croissant. Je pense que ça vient de là, le nom. Parce que souvent avec du beurre, c'est très très floconneux, flaky, comme on appelle. Ah, qu'on aime ça. Avec un petit peu de farine et des œufs pour faire tenir ça. Et Taco Bell, ben, c'est un menu mexicain, ou entre guillemets, mexicano-américain, ouais. Si on veut. Donc, on les mélange ensemble et ça donne un croissant plat plié en deux pour former un taco déjeuner. Donc, les déjeuners taco de la chaîne. Jusqu'à maintenant, c'était des gaufres, des biscuits pliés en des biscuits comme le McBiscuit là, chez McDonald's. C'est pas un biscuit comme un biscuit. Mais ça, je suis pas capable. Ça... Ouais, non. Pas, c'est un petit peu trop lourd, ça, je trouve. Bref, c'est ça. On le plie en deux, ça donne un taco. Là, c'est rien de plus que ça, selon Brand Eating. Ça va apparemment peut-être finir par être au niveau national. Mais ce pas. Fameux biscuit-là, là, ouais. C'est vraiment populaire aux États-Unis, là, oui, surtout oui. Dans le sud des États-Unis. Exact. Là. Ils mangent ça au déjeuner comme avec n'importe quoi. De la sauce aussi, biscuits and gravy, comme on ouais, dit. Ouais, non, mais tu sais, ouais. Donne-moi une tranche de pain. Ben absolument, mais donne-moi un petit biscuit puis je vais le manger pareil. Ah, t'aimes ça, le petit biscuit? Ben, c'est pas que j'aime pas ça, c'est pas que j'aime ça, mais... Je le refuserais pas si on me l'offrait. À chaque fois que j'ai à voyager aux États-Unis, ils m'offrent le Moses de petits biscuits, puis j'aime pas ça. Moi, c'est quand c'est le choix par défaut que j'aime pas ça. Chez Tim Hortons, à un moment donné, il y avait leur petit matin oui. Sur biscuits. Je pense qu'il était comme par défaut pendant quelques semaines, puis non. Moi, c'est je veux le vrai muffin anglais pour ça. Ouais, muffin anglais all the way. All the fucking way. Voilà pour cette chronique d'une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequipe.com. On prend une pause au retour. On parle avec Jean-Philippe Charbonneau des soirées cachées, c'est fou, qui recommence ce soir. Tonight is the night. Restez là. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est jeudi, 5 novembre 2015, c'est Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plon. Tania, c'est le moment tant attendu de révéler qui va être au soir caché ce soir. Oui! Et on accueille Jean-Philippe Charbonneau, directeur général, président de l'Empire, du groupe médiatique étudiant de l'UQTR. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va? Tania. Bonjour. Ben oui, ça va très bien. Ça va très bien. On est content de t'avoir pour parler des soirées cachées qui recommencent ce soir. Avant de mentionner, de révéler enfin qui va jouer devant vous ce soir, parlons en général des soirées cachées. Ça fait combien de temps que ça existe? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais dans le fond, c'est depuis 2011 que les soirées cachées existent. C'est vraiment le concept là, d'offrir une petite soirée musicale gratuite, intime là, pour les étudiants et le reste de la population aussi. Là. Tout le monde est les bienvenus là, vraiment dans ces soirées-là. Donc, depuis 2011, on fait, ça va vraiment varier des années. Là, on s'enligne sur un spectacle par mois. On va voir qu'est-ce que l'avenir nous dit. Ouais, à partir de novembre, parce qu'il y avait le grand show de la rentrée en septembre. Ouais, exactement. Oui, hein. Octobre off, parce que c'était tellement épuisant. Puis après ça, novembre, là, on est parti pour On est parti. On va en avoir un autre le 3 décembre, que on peut dire tout de suite. Là, il y aura du bruit. Oui. Donc, vraiment, donc, on essaie de faire découvrir, en fait, vraiment des artistes, là, qu'on fait jouer ici à C'est fou, donc sur un autre angle, là, vraiment, de leur offrir la possibilité de venir performer devant les étudiants et ainsi que les étudiants puissent les connaître d'une autre façon, disons. Donc, c'est pas mal ça pour l'existence de ces soirées cachées. Donc aujourd'hui, on est le 5 novembre, première soirée cachée. Et là, d'habitude, on fait un petit jeu pour la découverte. Oui. Là, Tania, elle a triché. Oh non. Ah, mais c'est pas sa faute, faut c'est dire. C'est pas de ma faute. J'ai essayé de la blâmer tantôt. Oui. Mais c'est finalement pas de sa faute du tout, c'est apparu sur Facebook. Oui. C'est de leur faute à eux. Oui, tout à fait. Donc, c'est évidemment, juste pour ajouter peut-être un peu sur le concept, on dévoile toujours l'artiste le matin même. Je pense que j'ai oublié l'essentiel. c'est quand même assez important. Donc, la date est toujours fixe, on sait la date d'avance, mais l'artiste est toujours dévoilé le matin même à partir de 8h30. Là, donc vraiment, là, les médias sont autorisés à parler du spectacle à partir de 8h30. Faudrait qu'on t'invite donc avant 8h30. Oui, mais là, je vais avoir une petite explication après pourquoi ça faisait rien être à 9h aujourd'hui, mais avant, je vais faire le petit quiz avec toi, Mathieu. Donc, ça va être un petit quiz en duo. Je suis tellement pas bon à ces affaires-là. Mais écoute, t'as une possibilité de... Je te sors un palmarès? Non, tu ne sors pas le palmarès de cette semaine. Donc, je te dirais que c'est un groupe. OK, oui. Oui. Ah, là, ça m'aide, OK. Ouais. Est-ce que c'est Pink Floyd? Non, c'est bien essayé, par exemple. on pourrait qualifier leur style musical de folk contemporain. Je te dirais que ça va être peut-être pas tant que ça ces temps-ci. Contemporain. On a quand même beaucoup de folk planant. C'est Mumford & Sons. Non, ben non. Bien essayé, un peu gros quand même. C'est pas June in the Fields. Est-ce que c'est local? Non, c'est pas local, mais c'est québécois. Québécois, OK. Et on pourrait dire que la personne principale du groupe, c'est pas la guitare qui est mise à l'avant-plan. Est-ce que c'est la batterie? Non, ça serait plus le piano. Le piano. Et la voix. Et la voix. Et la voix. Est-ce que c'est un participant de la voix? Oui. Ben oui. Voilà, Mathieu. Présenté par C'est fou. Bien sûr. En collaboration avec Production J, bien sûr. Donc, le piano est à l'avant-plan. Oui, et puis... Folk. Et c'est une fille qui représente le groupe. Et son nom n'est pas commun. Oh. Son nom n'est pas commun. N'est pas commun. Montou. Je t'ai dit que j'étais pas bon aussi. Peut-être que si je te dis qu'elle a sorti un album qui a été nominé à la disque au Gamic ainsi qu'au Junos, son premier album en fait, elle est très jeune, c'est L'Alchimie des Monstres. Oh, c'est Clopelgag. Donc exactement. Donc voilà, mais t'es fort quand même. Le tout a été bien rappé, Mathieu. Donc bien rappé. Un beau freestyle. Donc c'est excellent, ça va faire fureur ce soir, c'est sûr. Donc voilà une chance quand même assez unique de l'avoir en région. Elle est pas venue souvent. Elle est venue à la taverne Saint-Casimir, je crois, il y a pas si longtemps. Ou elle va y être au courant des prochains mois. Elle est venue au Festivois, donc sinon ça remonte à quand même un peu plus longtemps là, pour l'avoir vue ici à Trois-Rivières. Oui, donc, on l'a reçu, je me rappelle qu'on l'a reçu en entrevue quand t'es passé à Trois-Rivières. Il me semble que Daniel Janvier l'avait reçu en entrevue, il me semble bien. Très possible, oui. Donc voilà, ce soir, ça va commencer à 21h30. Okay. Donc une petite demi-heure pour ceux qui sont vraiment habitués, fans là, des soirées cachées. On avance d'une demi-heure. Y a-tu du hockey? Oui, il y a du hockey, mais on va faire fi de tout ça. D'accord. Pour pouvoir commencer à 21h30, en fait, pour essayer de prendre la clientèle qui voulait se coucher un peu plus tôt. Ouais. Donc, et c'est tout à fait gratuit. Gros spécial quand même à cette édition, puisqu'on est partenaire avec le Bureau des diplômés. Oh. Donc, tous les étudiants qui se présentent auront une chance de gagner une bourse de 500$. Tout ce que tu as à faire, c'est de présenter puis rester au spectacle jusqu'à la fin pour le tirage. En étant diplômé, déjà? Non, juste en étant étudiant. En étant étudiant? Ah, ouais, okay. Donc, c'est vraiment pour tous les étudiants. Oui, c'est ça, les étudiants sont peut-être les finissants sont peut-être déçus puisqu'ils ont moins de chances de gagner, mais quand même, ça donne une très grande possibilité là, de gagner. Ben oui, c'est cool quand même. Oui, là. Vraiment. Un 500$ directement, in the pocket. Et on aime tout le temps ça. C'est génial ça. Oui. Comme toujours, l'alcool de la chasse-galerie, c'est toujours à la chasse-galerie dorénavant. Oui, tout à fait, plus Mathieu. Plus côté alcool, premier alcool. Côté logistique aussi. Donc, on a un bar, des professionnels aussi qui servent la boisson. Ils sont super fines en plus, vous allez voir. Oui, puis plus un vaste choix, là, plus que, mettons, de serveuses? De boissons. Donc, c'est à la chasse-galerie, c'est à 21h30, Clos Pelgag, tout à fait gratuit, 500$ pour tous les étudiants de l'UQTR, dans le fond, sur présentation de la carte. On va peut-être aller écouter un petit extrait, puis je referai un rap. Génial. Je te donne une possibilité de choisir la pièce si tu as envie. Est-ce que tu veux choisir sur l'album édition de luxe de l'Alchimie des Monstres? Tu as le choix. Il y a quoi? 16 pièces là-dessus. Parfait. Je te dirais qu'on pourrait écouter n'importe laquelle. Je me rappelle qu'il y a eu sur les palmarès, mettons, il y avait eu comme des rames, il y avait eu Rayon X. Rayon X, oui, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec le groupe de Clos Pelgag, pourrait leur rappeler peut-être qu'est-ce qu'elle fait là, exactement, puisque je pense que ça a quand même tourné pas mal là, ici. Oui, assez fou. Donc on écoute Rayon X par Clos Pelgag aux soirées cachées assez fou de ce soir. Assemblage Ricky. Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux et dans ta chambre noire j'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ondes, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter. Ma salive, rare le radium dans la maladie depuis que nos lits se font la leucémie. J'ai couvert tes yeux de mon baume hypnotique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal quand il te crache son eau bénite. Avec son sabre laser, rayon X. Doppelgag, la pièce Rayon X sur l'album L'Alchimie des Monstres. L'édition Deluxe est disponible sur le Bandcamp avec 16 pièces plus que le CD. Oui, et puis ce soir, je crois, pour les grands fans de Doppelgag, elle a reçu d'autres vinyles que j'ai vu passer sur sa page Facebook. Okay. Donc on va espérer qu'elle va pouvoir en apporter quelques-uns. Oui, les gens vont en acheter, c'est sûr, ce soir. Ça va être très populaire. Les embargos sont levés maintenant. Oui, oui, mais d'ailleurs, on pourrait rectifier ça tout de suite. Oui, parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi à 9h, qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi je l'ai reçu cette nuit, pour ceux qui n'ont pas dormi ou qui ont fait des travaux, curieusement, dans la nuit. Oui, il y a eu un envoi massif, en fait, dans votre courriel UQTR pour tous les étudiants. Simplement vous dire que c'était pas le choix si vous voulez le réseau désengorgé ce matin pour pouvoir vous connecter sur le Wi-Fi. Donc, on était obligé de faire ça. Une petite entorse là, qu'on avait... C'est pas une erreur, là, c'était arrangé avec le gars des vues. Donc, on s'est dit qu'on aimait mieux rejoindre tous les étudiants cette fois-ci via leur courriel, mais on n'avait pas le choix de faire ça dans la nuit. L'entorse était de la part des médias locaux qui ont apparemment brisé l'embargo et publié l'article hier, mais ça, on leur en veut pas plus que genre quelques minutes. Là. Plus que, bon, c'est ça, voilà. On va s'en remettre. Oui, c'est ça, exact. Au moins, ils parlent de nous. Hein. Et puis, voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. À 21h30 ce soir à la Chasse Galerie. Tout à fait. Doppelgag et son band. Ouais. Un gros groupe, ils sont donc Doppelgag plus 5 musiciens. Okay. Donc Doppelgag qui manie autant le piano, quand même un peu de guitare aussi malgré tout, plus le chant. Donc je pense que ça va être, il y a de la contrebasse, ça va être un groupe assez complet, ça va être très agréable. Donc voilà. Veux-tu savoir ce qui va être agréable aussi? Là, c'est d'avoir comme quelqu'un entre deux personnes qui se sent comme pogné entre Jean-Philippe et Tania. Mais je vois pas. Regarde ça, comment les roulettes, ça peut être pratique sous une chaise. Hey, c'est un peu tassé. Il peut bouger, je sais pas. Oui. On peut faire la danse du ventre. Du rouli-rouli. De perdre du poids en même temps qu'on anime la radio. Donc, on accueille l'animateur de Génie en Liberté, Samuel Girard. Salut. Bonjour. Colin, ça c'est ma faute. Ça c'est moi, le débutant en radio qui a pas ouvert. T'avais encore oublié d'ouvrir mon micro. Je sais pas ce que t'as. C'est quand t'arrives en deux affaires, je me suis pas prévu. C'est pas grave. Au moins là, il est ouvert, c'est correct. Ça. Puis en plus, on a full de temps pour se parler aujourd'hui. Ben oui, beaucoup plus qu'à l'habitude. 3 minutes de plus, c'est quand même bien. Puis nous, entre tout ça, on s'est fait traiter d'affaires. Entre deux affaires, c'est nous. Entre deux affaires. Je suis pas responsable de ça. Mais vous êtes des maudites belles affaires. Des affaires particulièrement séduisantes. Jean-Philippe Charbonneau et Tania Bonnet. Donc, Samuel Girard, qu'est-ce qui s'en vient à Génie en Liberté aujourd'hui, dis-moi? Très simple. Premièrement, je risque fort d'être seul. Oh! Ouais, c'est ça. Donc, j'ai mis Steph au repos. OK, ben au moins, donc, la table à 4 micros aura pas à avoir un 5e micro. Parce qu'on aura pas de 5e personne qui va s'intégrer autour ouais, de la table. Ouais, c'est ça. Parce qu'on reste pour tout Génie en Liberté, on t'a pas de ça. Oh! Non, venez vous parler d'extraterrestres avec moi dans la première demi-heure. Ah! Ben, je vais au moins écouter ça. C'est ça, ça a l'air bon, ça. Pourquoi? Non, c'est donc, on commence ici avec le chroniqueur, mon chroniqueur astrophysique, qui vient à chaque mois. Donc, très simple, on va parler de la dernière actualité qui touche l'astrophysique. Et évidemment, quand je parlais d'extraterrestre, c'était un peu une blague, entre guillemets. C'est que là, ils ont trouvé une super structure qui serait... en fait, qui ressemble pas à ce qu'on observe habituellement. Là, il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse. Ici, ça avait été construit par quelqu'un. Ah! Okay. Donc, c'est ça. Donc, on parlera pas d'extraterrestre, mais je veux savoir, en gros, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des doutes par rapport à cette observation-là, précisément. C'est peut-être normal qu'on ait des doutes par rapport à ça. Ça se peut très bien. Ça veut pas dire non plus que c'est une grosse boule métallique avec du monde qui vit dedans. Non, c'est ça, exact. Oh, mais ça serait tellement hot, par exemple. C'est sûr que oui, mais... Puis encore là, à la distance de cet objet-là, ben en fait, on voit l'objet comme était il y a plusieurs millions d'années. Donc, il y a peut-être un petit décalage temporel qui fait en sorte que, mettons que c'est réellement une structure avec des gens qui vivent dedans, ça fait longtemps qu'ils sont plus là. Oh, c'est peut-être le prochain groupe des soirées cachées. Ouais, ben je m'en allais directement là. On connecte. Je disais, ben après moi, c'est des gens qui peuvent voir le futur et puis qui savaient très bien que c'était Doppelgag ce soir. Donc, ils ont entamé un voyage vers la Terre. Non, mais techniquement, si eux observent la Terre... Ils voient la Terre il y a des millions d'années, donc eux aussi voient le passé. Ok, donc c'est pas la salle de presse nouvelliste. Non! Ah! excusez-moi. Mais c'est excellent ce matin! Excusez-moi. On est en feu. C'est ça, sinon, après la pause, je veux prendre une petite pause de soit domaine scientifique ou politique. Je veux parler de la sortie du nouveau James Bond. Ouh! Et pour l'occasion, je vais faire un survol des 23 films. Ah non, là! J'ai le oui! Attends-moi! Non, désolé, je reçois pas d'acteurs qui ont déjà joué James Bond, désolé. Quoique j'aimerais vraiment ça, je suis assez un fan pour que ça me tente. Mais Daniel Craig, il doit être sur Tinder. Non, je pense qu'il est sur Craigslist. Oh non, c'est excellent. Parlant de James Bond, je m'insère directement comme ça dans la conversation. J'ai recommencé à regarder toute la série des James Bond avec Daniel Craig, justement. Ouais. Oui. Oh. Pour me rendre compte que sur le coup, j'avais été un peu déçu de voir ces films-là. Puis en les re-regardant, j'ai été vraiment très impressionné par le film. Ça m'a fait exactement la même chose. Mm-hmm. Ouais. Donc, ceux qui ont été déçus, je veux vous peut-être recommander de. Tu sais, commence à faire froid, c'est le fun d'écouter un bon film, là, mais là, c'est trois bons films. On se tape les James Bond. Écouter back-à-back parce que c'est vraiment une suite. Entre Skyfall et l'autre d'avant. Ben, en fait, t'as Casino Royale, après t'as Quantum of Solace, c'est ça, qui est la suite directe. Exactement, c'est ça. Après ça, on a Skyfall qui reprend certains éléments qu'on voit dans Quantum of Solace. Et là, Spectre commence directement après Skyfall. Oh, wow, cool! Une des premières scènes qu'on va voir, justement, c'est, l'édifice du MI6 qui est détruit tel qu'on le voit dans Skyfall. Donc, c'est ils ont vraiment décidé de... quand même deux ans. Je parle d'un film qui est sorti en 2012. T'as raison. On se calme. C'est spoiler facile, moi. Ouais, c'est ça. Mais bref, aussi, vous êtes un peu crinqué comme moi, ben vous partez du premier, c'est-à-dire Dr. No, et vous écoutez... Oui, oui, oui. Les 23, et après ça, vous allez au cinéma voir le 24e. Est-ce que t'as dormi? Mais non, mais j'ai pas commencé à le faire. Je l'ai fait pour 2-3 ans. J'écoute tous les films et je les écoute en version originale. Je veux vraiment l'accent british. Oh, oui, malade. Ouais, c'est ça. Le jeu d'acteur est vraiment meilleur quand on l'écoute en version originale. Ah oui, c'est clair. Donc là, on a peut-être deux tiers de l'émission de compléter avec ça, un petit peu moins maintenant. Ça. Puis je termine après ça en rafale avec plusieurs sujets d'actualité. Donc la CAQ qui veut faire payer les détenus. Je veux parler du nouveau conseil des ministres. Je vais parler un petit peu aussi de la grève dans le secteur public parce que là, on a une autre vague de journées de grève qui s'en vient. Oui. Et je vais terminer avec la chère candidate péquiste défaite qui a décidé d'y aller une critique massive des radios. Ah oui, les radios d'opinion. Ça fait la une du Journal de Québec. Daniel Payet, son nom? Dominique Payet. C'est ça. Et la commande vient de Pauline Marois, qui est toujours aussi mauvaise perdante de sa dernière défaite. Donc, c'est ça. Donc, on a pris l'argent de nos taxes pour nous dire comment penser. Oui. Et tu me connais dans ce temps-là? Ça j'ai tendance à me fâcher. Donc, je finis l'émission avec ça. En gros, c'est pas mal ça, de l'outrage. Ça finit avec l'outrage. Merci, Samuel Girard. Ça fait plaisir. On t'écoute à Génial Liberté à 9h30. Nous, on va terminer l'émission ici. On va se dire au revoir, mais merci quand même aux gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. En fait, il y en a une seule, c'est Alexandrine Pichessier. On la remercie comme chroniqueuse, évidemment comme invitée spéciale, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu ce matin. C'est très apprécié. C'est tellement gentil de t'avoir une fois par mois. Et Samuel Girard. Merci à toi, Talia Baudin. Merci, Mathieu Plante. Lundi, à l'émission, on aura la présence de David Ferron à 8h30 pour sa chronique. C'est son retour. La carte Beachy, oui, son retour. Et Marie-Christine Perra avec des arts visuels dans Gratin et Vin gratuit. On se quitte avec une autre pièce de Clopel Gag pour terminer, je pense, ça va aller mieux comme ça. Une autre pièce pour dire aux gens de venir aux soirées cachées ce soir à 21h30 à la Chasse-Galerie. Passez une belle fête de semaine, tout le monde, toute la gang. Puis on se retrouve lundi à 6h30. Bye! Bye! Sa vie, il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une trace dans ses cheveux sa vitalité. Ah, ah, ah.